simplifié. Offre non cumulable réservée aux particuliers. Conditions sur opel.fr. Nouveau cycle, Chérie 25. Chaque jeudi, Chérie 25 met à l'honneur Cameron Diaz. Une icône glamour et populaire. Une femme merveilleuse. Pétillante et attachante. J'avais pas envie d'être seule hier soir. L'actrice est la star des comédies américaines. Un vrai rayon de soleil pour vos soirées d'automne. Chaque jeudi, Chérie 25 vous fait découvrir ses multiples talents. Ce soir, Inner Shoes, à 20h55 sur Chérie 25. Chérie 25, tous les soirs un film. Claudio Capeo, Ta main, son nouveau single. Donne-moi ta main, et reprends la sienne. Son nouvel album, Tant que rien ne m'arrête, disponible dès le 7 décembre. La bonne idée bute pour les fêtes, vous offrir une cuisine moins chère. La pause, vous ne la payez pas. Rien. Zéro quoi. En ce moment, chez But, la pose de votre cuisine est offerte. Oui, 0 euros. Et posée par des professionnels. La pose offerte, joli cadeau de Noël. But, des prix et des idées tous les jours. Voir produits concernés et montant d'achat en magasin sur but.fr. Bien, faut-il payer cher un forfait qu'on utilise peu? Vous avez 2 heures. Chez Free, le forfait mobile avec 2 heures d'appel et SMS illimité est à seulement 2 euros par mois. Et 0 euros par mois pour les abonnés Freebox. Offre soumise à condition. Plus d'infos sur mobile.free.fr. Tout le monde connaît son nom. C'est Bumblebee. Bumblebee. Bumblebee Transformers. Ou presque. Bumblebee. Bumblebee. Il me semble que c'est Bumblebee. Non, Bumblebee. Bumblebee. Le robot le plus cool de la saga Transformers débarque pour le film événement de Noël. Bumblebee. Voilà Bumblebee, le 26 décembre. Au cinéma. Si t'écoutes pas, c'est que t'as rien compris. 17h-20h, c'est Coé sur Énergie. Claudio Capeo est avec nous, le live dans un instant pour finir l'émission. Nous terminerons avec ce titre. Que rien ne m'arrête, l'album de Claudio Capeo va sortir le 7 décembre. Tiens, on s'en fait quelques-uns de Claudio Capeo, j'adore. Là, on l'a entendu, tout à l'heure, on l'a entendu celle-là. Et il y avait celle-là avec Vita. Hein. J'adore aussi cette chanson. Ça va, génial. Je veux déployer mes ailes, m'envoler. Marrant cette petite voix cassée. Non mais c'est vrai, il a la voix légèrement cassée, ça fait un truc. Il a... Mais je rigole pas quand je dis c'est ça. C'est mon côté italien. Non mais c'est quoi? Résultat, cette petite voix un peu cassée, quand on écoute une chanson de Claudio Capeo, on sait que c'est Claudio Exactement. Capeo. On remarque tout de suite le truc. Il y a des chanteurs, des fois, ils ont une voix normale et t'hésites. Lui, tu peux pas le rater. À part les anciens albums. Tu vois où j'étais vraiment avec une petite voix. Mais je les connais. Mais ben je ne les connais écoutez pas. Faut pas écouter. J'aurais pas dû le dire. Faut pas les écouter. Mais je tombe bien, je les ai pas écoutés. Non, donc, J'ai fait ce que t'as dit. Hein. Claudio est avec nous. On se fait le titre en live dans un instant. Je vous dirai quelle famille va gagner la possibilité avec But d'être lâché en famille pendant 3 minutes dans un magasin fermé. C'est le rêve de tout le monde. Ah oui, c'est génial. Vraiment, quoi. Tu viens en famille, t'as 3 minutes pour prendre ce que tu veux. Oh là là. J'adore l'idée. Juste enfermé. Sauf souris, parce que je te jure que les gens nous voient la vidéo. Tu fais la gueule en permanence. Mais je fais pas la gueule, je souris depuis tout à l'heure. Les gens ont peur. Les gens veulent te voir sourire. Les gens veulent te voir sourire. Les gens ont peur. Les gens te trouvent belle quand tu souris. Non, t'es comme ça. Après, il y en a d'autres qui font du téléphone, quoi. Lui. Tu sais quoi, je suis en train de te retoucher ta sueur sur Instagram. Non, il se retouche. Merci. Ouais, super. C'est vrai que c'est pas toi qui vas suer. Au niveau de si la tronche. Je retouche pas sa sueur et il m'engueule. À qui tu parles? Au public. Le mec, on fait une émission de radio, il se tourne au public. Ouais, parce que bon. C'est véridique ce qui est en train de se passer là. Et les gens disent rien, font bah ouais. Le mec, il parle au public, il fait bon, on est d'accord, on s'en fout. Bah fais ce que t'as à faire. On te croit, on s'en fout qu'il transpire Coé. Je suis désolé, je pensais pas que t'allais prendre autant. Hein. T'inquiète. C'est bienveillant quand même, ça va. Vous êtes prêts à jouer au Donne-moi ta main avant le live? Oui. Le principe du Donne-moi ta main est extrêmement simple. On va commencer par Claudio et moi. Ensuite, je désignerai d'autres couples. On se met debout dans la lumière, comme ça les gens qui nous suivent sur Facebook Live vont tout voir. Et Pierre mettra un truc entre nos mains. Ok. Le premier des deux qui devine ce que c'est gagne un truc symbolique, c'est-à-dire toute mon amitié. Donc on ferme les yeux. C'est bien. Ah bah oui, vous fermez les yeux quand il l'installe, d'accord. Okay. Donc je vais me mettre là-bas, je vais me mettre à côté de Claudio. Allez. Hop. Les micros. Voilà. Et toi à côté de moi. Bizarre, on laisse la main légèrement ouverte, on regarde de l'autre côté. Alors voilà. On ferme les yeux, Claudio, on ferme les yeux. Pierre, tu peux montrer aux gens ce que tu veux nous mettre dans la main. Voilà, voilà, montre au public, montre à la caméra. Et ensuite, on ferme nos mains et avec Claudio, on doit le premier qui trouve ce que c'est. Ok. Pas évident. Hein. Attends. C'est mou. Oui. C'est froid. Il parle pas de ma main. Hein, c'est mou. En même temps, ça amène un petit côté. C'est un petit ballon avec de la farine à l'intérieur, en tout cas. Je dirais, je sais pas ce que c'est. C'est un petit bonhomme, c'est une petite figurine. C'est un truc en mousse anti-stress. C'est un petit. C'est Bob l'éponge. Non. Bob l'éponge. Attends, on le fait tourner un peu là. Attends, on va le faire tourner. On le fait tourner. On va mettre les doigts. Hein. C'est quoi, c'est visqueux? Je peux mettre les doigts ou pas? Non, non, non, j'en se connais pas assez. Attends. J'en étais sûr. C'est quoi, c'est gros? C'est un truc en salon. Attends, juste un pouce. Juste un pouce. Juste un doigt. Juste un pouce. Première fois que tu acceptes. Non, je sais pas du tout. C'est visqueux. Ah, attends, mais aidez-nous, aidez-nous. C'est à vous, c'est comment comme matière? C'est mou. C'est comme mou. Une balle anti-stress molle en plastique. Okay. On s'en sert régulièrement à la maison. Ouais. T'as pris ça il y a pas longtemps, toi, Coco. Oh, ah, c'est j'en ai acheté un truc mou de lessive qu'on met dedans et qui se dissout dans le. Bravo. Bravo. Allez, j'ai gagné. Candidat suivant, tu peux te réinstaller. Je prends Jeff et Stouff. Allez-y. Allez-y, allez, mettez-vous côte à côte. Donne-moi ta main, gamin, et t'en prends la scène. Allez-y, on met un truc dans la main, vous nous le montrez avant. Stouff, ferme les yeux. Ok, oh très non, bien. Non, pas ça, ne connais pas, faites pas ce bruit-là. Pas ça. Serrez bien sérieux. Pour voir ce que c'est. Ah, c'est dégueulasse. Oh, non, les mais gars. Attends, je. Non, mais non, je sais ah, ce les que gars. C'est, arrête. Ah, les gars. C'est quoi? Ah C'est un œuf. Oui, c'est un œuf. C'est ouais, très bien. Bravo, bravo. Bah, Miko, Bordas, les deux copains, amis sûr, pour la vie. Allez, on nettoiera après. Très bien. Il va chanter en plus, Claudio. Il va chanter dans les œufs. Ouais. Ça va, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Pas de bestiole. Tenez-vous la main. Il y a pas de Miko. Il y a pas de bestiole. Il y a pas de bestiole. Ok. Fermez les yeux. Je suis très premier degré sur les bestioles. Déjà, te tenir la main de Borda, c'est une tanasse là déjà. Ah, c'est mou, c'est dégueulasse. Attends, il a rien. Ah non, il y a rien encore. Attention. Lui, il aime bien. Lui. J'entends les réactions des gens, je vois pas ça. Je vois pas ce que c'est. Attendez, fermez les yeux. Je vois pas ce que c'est. On est en Facebook Live, on est sur Énergie. Attendez, je regarde. Ah oui. Bon. Allez, attends. Oh les gars. Alors, c'est mouillé. C'est du caca. Non. C'est du caca. Mais il est ouf. Je sais pas ce que c'est. C'est mouillé. Tu sais que ton doigt. Bah oui, pour j'essaie d'analyser. Reste calme, lui, il essaie d'analyser, il travaille. J'essaie de bosser. Alors, j'aime pas trop ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. On dirait un petit bout de zizi. C'est pas un bout de zizi. C'est un mollusque. Ça se mange? Oui. C'est une crevette, non? Non. Putain, je sais pas ce que c'est. Je peux savoir ce que c'est. C'est quoi ça? C'est un confit de canard. Oh les gars, un confit de canard. Ouais, on dirait un petit zizi. Ah bah non, allez, on va jouer avec. Tiens, Stouff. Stouff et Claudio. Allez, si, vous êtes Stouff et Claudio. Stouff et Claudio. Allez, vous êtes côte à côte tous les deux, ça va être très bien. Donne-moi ta main, gamin. On chante dans 2 minutes. On vous met quelque chose dans la main. Non mais là pas un truc dégueulasse quand même. Hein. Yeah. Ah oui mais c'était. Quoi? Ah oui mais. Attends. Quoi? Fermez les yeux. Mais qui sont cons. C'est fermé. Bah, fermez c'est les yeux. Claudio, on va noyer le poisson parce que. Mais j'ai pas vu non plus. Quoi? Un poisson? Pas de poisson? Ah bah non, oui non, effectivement. Mais bah voilà, oui, mais ils sont oui. cons. Non, vous êtes pas fini, stagiaire. Quoi? Oh merde. Attention, okay. On ouvre la main. L'objet arrive. Vas-y. Tu sais que c'est bizarre, hein. C'est très bizarre comme. Attends. Non mais c'est gluant. C'est très érotique de vous voir comme ça. Hein. Non, c'est pas une tomate, ça, c'est gluant, c'est mou. C'est gélatineux, attends. Comment ça se passe un truc? Arrête de presser ma main comme ça, c'est gênant. Comment ça se passe un truc? Bah oui, bah tâte, mais. Tâte, mais tâtissement, quoi. Comment? Bonne réponse! Dans un instant, nous allons finir avec le titre de Claudio Capéo. Le temps qu'on se rassoie pendant 2 secondes, je vais faire plaisir à une famille qui nous a envoyé une photo en direct. J'adore le lit. Il fallait envoyer une photo dans un magasin But avec toute la famille. Et des accessoires Noël. Je vous montrerai pas les centaines de photos que l'on a reçues, mais une a été tirée au sort. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas ce que ça sent là. Ah, c'est vos lingettes. Un mélange de tout là. Ah, y a des bah oui, ça sent le propre, ça te choque. Ah mon mon dieu, je vais tomber dans les pommes. Oh mon dieu, ça sent la lingette. Ça sent pas le propre là, ça sent l'alcool à 90. Mais non, la lingette, c'est pas de l'alcool à 90. Non, ça sent les fesses de bébé. Ah, ça, y a de l'alcool là-dedans? Non, non, non. C'est le seul mec qui va sucer une lingette. Il y a de l'alcool. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, bien sûr. Bien sûr. Je vais appeler une famille, leur faire une surprise. J'ai la photo, ils sont trop mignons. Donc ça veut dire que ça veut dire qu'on va les mettre dans une dans un magasin but, oui, quelque part en France. On va les lâcher 3 minutes pour qu'ils se lâchent et faire le jeu le plus ouf de France, c'est-à-dire être lâché dans un magasin et prendre ce qu'ils veulent. Ah bah c'est le but, ils se servent. Ça va être énorme. J'appelle. Fais voir la photo. Et je t'annonce qu'on ira demain matin. Ah bon? Et oui, enfin, je t'annonce que je vais aller demain matin. Pendant que Stouff sera dans son lit. Ça a échoué. C'est quoi? Ça se fera demain matin. Ça n'a pas marché. Ah, Cyril! Ah, sera là. J'ai remis, les gars, j'ai remis. Mais c'est le standard, il me fait une dinguerie depuis ce soir. Là. On prend une tape dans la gueule, celui-là. Ah, allô? Allô? Ah. Oui? Bonjour, qui est à l'appareil? Allô? Nous, c'est Carole Sicard. Bonjour, Carole Sicard. Y a-t-il Mickey, le mari, Lola, Maud et Anouk dans les parages? Ah bah c'est pas plus mal que le magasin soit fermé. Hein. Je m'appelle. Calmez-vous. Je vais vivre un bon moment demain. Je m'appelle Koé. Oui. On est sur énergie. Tu dis deux mots écrits. Et demain. Et demain. Vous êtes libre demain? Oui, bah. Demain, je vous accueillerai personnellement. Et vous aurez le rêve de tas de familles. Vous allez passer 3 minutes dans un magasin but pour prendre ce que vous voulez. C'est demain que ça va se passer. Et pendant ces 3 minutes, choper un téléphone. Ça va être un Noël incroyable. Choper un téléphone pendant les 3 minutes. S'il vous plaît. Vous m'entendez? Oh, voilà. Parce qu'ils sont haut-parleurs, voilà. Je pense, pour enlever le haut-parleur. Je vous fais un bisou. Oh là là. Il a raison, faudra prendre un téléphone. Je vous fais des bisous, à demain matin. Je suis d'accord, je vous embrasse fort. Et puis surtout n'oublie pas de... Bon, je vous donne l'adresse, c'est au rond-point. Bon. Et à l'entrée, demandez... N'oubliez pas, je vous attends à l'heure de... Précisément. Oui, mais t'as pas dit que c'était... Avec... Si, je l'ai dit. Comment, quand? Bah j'ai dit que c'était... Arrêtez. Ah bah là d'accord, ok. Voilà, okay. Claudio, are you ready to sing? Yeah, yeah, yeah. Je rappelle que je vous donne précisément la tournée de Claudio Capéo qui passera en 2019. Allez le voir. Notez bien. 14 novembre. Et n'oubliez pas, date importante, le 21 novembre. Ah, très belle salle. Qui est une salle incroyable. Personne te fera de la promo comme ça. Personne ne le fera. À l'Olympia, Claudio Capéo, le 21, mets-toi en place. Le 21 novembre 2019, plus une tournée partout, le Zénith, Forêt Nationale. Le 10 novembre 2019 aussi, Genève, Saint-Etienne, Montbéliard, Rennes, Prélazé, Caen, Rouen, Toulouse, Bordeaux, Clermont-Ferrand et tout et tout. Nouvel album de Claudio Capéo sortira le 7 décembre. À ne pas rater si vous êtes fan de moi, je l'ai. Déjà ? Je l'ai avant tout le monde. Il sera dès 20h sur eBay. Voilà, vous êtes fan de Claudio Capéo ? Je m'appellerai Seb02. Battez-vous ! Et je le mettrai en vente. Non, je le garde pour moi. Are you ready ? Yes. Allez, voici Claudio Capéo sur Énergie pour finir l'émission. Elles sont liées bien souvent, parfois elles sont libres. Elles font des cerfs-volants, elles écrivent des livres. Parfois elles sont ouvertes, parfois elles sont courantes. Il y a des gens qui les ferment et des gens qui les tendent. On les met sur le cœur, on les met dans les poches. Elles construisent des parcs où vont courir les mioches. Si elles servent à sévir parfois autour du monde, on pourrait les unir, ça ferait une ronde. Celles qui tiennent des armes, celles qui sèchent des larmes, qui consolent les enfants. Celles qui nous unissent, celles qui nous punissent, moi ma main je l'attends. Donne-moi ta main, gamin, et toi prends la sienne et nous ferons une ronde, une ma peine. Parfois elles sont heureuses, parfois elles sont si seules. Quand elles sont baladeuses, tu les prends dans la gueule. Elles sont dues bien souvent, y'a des gens qui la gantent. On les met à couper, y'a des gens qui les demandent. Celles qui tiennent des armes, celles qui sèchent des larmes, qui consolent les enfants. Celles qui nous unissent, celles qui nous punissent. Moi, ma main, je l'attends. Donne-moi ta main, gamin, et toi prends la sienne et nous ferons une ronde, une chaîne. Donne-moi ta main, gamin, et toi prends la sienne, nous tournerons en rond, mais les mains pleines. Donne-moi ta main, donne-moi ta main, gamin, et nous tournerons en rond, mais les mains pleines. J'étais perdu, tu sais, comme toi. Dans la peine, j'ai attendu que l'on prenne la mienne. D'une main tendue, tu sais, on peut faire des chaînes. Et aujourd'hui, c'est moi qui prends la tienne. Donne-moi ta main, gamin, et toi prends la sienne. Et nous ferons une ronde, une chaîne. Donne-moi ta main, gamin, et toi prends la sienne. Nous tournerons en rond, mais les mains pleines. Ne le ratez pas le 21 novembre et tout de suite c'est l'heure du Rico Show. Ça va les amis, tout va bien en haut? Ça va Koé, t'es en forme? Est-ce que tout va bien? Tout le monde applaudit encore, ils ont pas fini, tout le monde a... C'est une bonne ambiance ici. En même temps KPO il est dingue, hein. On l'applaudit, nous. Il était en live, il était très bon. Bonne soirée à vous, portez-vous bien. Salut mon Koé, salut à tout le monde. Kiffez bien, bonne soirée avec le Rico Show. On revient demain 17h pour la dernière de la semaine. Évidemment on parlera encore des gilets jaunes demain. Voilà, on vous laissera 15 minutes encore pour tout dire. Pour compte, vous serez là samedi, vous serez pas là samedi, monsieur KPO. Merci beaucoup. Bon courage à vous, monsieur Rico Show. Bon courage à vous. Salut, salut, salut, revient demain sur Énergie. Ça y est, on sait enfin à qui on ment le plus, les amis. Ça y est, je le sais, j'ai enquêté. Ça y est, vous n'allez plus pouvoir mentir, justement. Je m'appelle Aymeric Bonnery, mon surnom c'est Rico. Évidemment, vous êtes dans le Rico Show sur Énergie. On est parti pour une émission de dingue, puisque les amis, ce soir, on aura un VTC du bled magnifique. Malik remplace soi-disant son cousin parti au bled. Et lui vient lui-même du bled, hein, bled.com ce soir. On aura aussi Y'a que l'amour qui compte avec Quentin. Est-ce qu'il va retrouver sa femme après sa séparation? C'est la question. Et puis les nouvelles techniques de drague sur les sites de rencontres arrivent. Bref, on va se régaler. Comment elle va la Sarah? Bonsoir à tous, bonsoir Rico. Elle a l'air dans une forme internationale. Au top du top, ça se voit, non? À mes cheveux. Ouh là là, à qui mentons le plus? À Rico. Voilà, ça tombe. Ça va Sylvain? Bah écoute, en pleine forme, la madame, la pêche. Hein. Le tombeur, combien de conquêtes aujourd'hui? Une fin. Un vieux dossier quoi, comprenez. Ça va JM? Écoute, ça va, j'ai soif moi Rico. Ce soir je bois un café, de l'eau, du coca, bon. Tu as faim. JM, ça va être dur de savoir à qui tu mens. Évidemment le Marseillais est là. À Marseille on grossit tout ou... Ben en fait quand ça nous arrange on exagère. Et quand ça nous arrange pas trop on diminue, tu vois. Est-ce que grossir c'est mentir? Non. C'est un peu la question les amis. On en a fait notre bail du jour. Tu mens à qui toi Sarah? Alors moi beaucoup je culpabilise à mon fils. Qu'il soit sage. Je lui promets, t'inquiète pas, t'auras un chocolat, t'auras des cadeaux. Il a jamais rien le pauvre. Il pense que sa mère est propre, hein. Alors que c'est faux. Ok, aux enfants, bravo. Oui. C'est beau ça, JM. Moi c'est au patron évidemment. Ah, oui. Et tu es où? Je suis dans l'ascenseur alors que tu es encore chez moi, tu vois. On embrasse les patrons d'énergie. Évidemment, c'est les amis, on vous embrasse. Il fait que vous mytho. Il attend de vous croiser pour mentir. C'est pas. Bah, il vient de te le dire aussi, hein, qu'il est en train de mentir. Non, je ne suis pas le patron de ce monsieur. Ah bon? Non, je vous le dis, je délègue. Délègue. Okay. Et lui, il ment à ses employés. Allez, vous venez, 0800 70 42 48. If you really want this, ooh. Je vais appeler quelqu'un du bon coin et lui demander de reconstituer une scène de crime avec son objet qu'il vend, puisque évidemment il serait inculpé dans une sombre histoire. C'est toujours un grand moment, mais le bail du jour, on sait enfin à qui on ment le plus. Alors en quatrième position, les amis, on a les professeurs. Voilà, ah, c'est vrai, oui. Mentir à un prof, c'est la base. Bah évidemment, c'est la base. Moi je me rappelle, on était en contrôle et tout, et le prof fait « Oh Nishania, arrête de copier sur le voisin !» Et je dis « Mais je copie pas, la prof, je sais pas où il en est. Moi j'en suis à la quatrième question, lui en est à la troisième. » Il en plus, tu prends pour un coach, tu sais où il en est. Et tu copies pas? Moi je faisais pire, j'ai dit mais lequel? Ouais. Mais lequel, parce que je copie sur tous. Alors dis-moi lequel qu'on l'identifie. En troisième position les amis, on a les policiers, ça c'est la base. Ah, bah, ouais. Toujours, attends, moi quand j'étais enceinte, j'en profitais à 8 mois de grossesse, je m'étais fait arrêter et j'ai dit attendez, je vais accoucher, c'est pour ça que je vais vite, je vais accoucher, monsieur, laissez-moi partir. C'est pas vrai. Je te jure, il m'avait laissé. Elle a accouché d'un M. Évidemment, c'était faux. Et puis en deuxième position les amis, on a évidemment le conjoint. Oh là là, vous êtes la personne à qui on ment le plus. Ça tombe. T'as déjà été sincère avec une meuf, Sylvain? Attends, je réfléchis. Ouais. Non, ouais, je crois pas. Ouais, quand il y a un doute, il y a pas de doute. Et en première position, ça y est, alors on sait à qui on ment le plus. C'est le médecin, les amis. Ah ouais. Si. On ne cesse de mentir au médecin, alors que finalement, c'est eux qui ont la solution. Bah, évidemment, quand ils te demandent si tu fais du sport, ah mais bien sûr, 3 fois par semaine, monsieur. Évidemment. Ouais, ils devraient être des experts, tu sais, comme ça, en devinette. Ouais, parce que oui, tu lui dis jamais la vérité. Est-ce que vous fumez? Je ne fume pas. C'est vrai. Non, mais moi, j'avais honte. Il y a pas longtemps, mon médecin m'a regardé yeux dans les yeux et m'a dit vous prenez un contraceptif. Et je l'ai regardé, je lui ai dit non mais je l'ai jamais fait, hein, docteur. C'est j'avais honte, j'avais honte de lui dire que je le faisais. Il y a une nana qui avait mytho, elle a dit qu'elle était vierge et résultat, ils lui ont filé un médecin, elle a failli perdre son bébé. Oh. Ah, bah oui, elle a dit je suis vierge. L'autre, il a dit vous avez mal au ventre, je vous donne des cachets, sauf que c'était pas pour les femmes enceintes. Ah, ouais. Ça peut dégringoler. Il y a Sofiane qui a fait le 0800 70 42 48. Ça va, Soso? Salut Rico, salut l'équipe, ça va? Salut mon poulet, toi t'es un gros mytho avec le médecin. Ouais, et pas que mon médecin. En fait, moi, j'ai fait un combo, j'ai mitonné avec le patron et avec le médecin. C'est pas vrai, ouais. Raconte. Si, voilà. Alors, je t'explique. Très simple, en gros, je suis allé voir mon médecin lui demandant un arrêt de travail pour une diarrhée que je n'avais pas. Et j'ai profité de cet arrêt de travail pour, du coup, partir en week-end au ski avec ma meuf. Ah, c'est bon, ça. C'est bon, ça. Moi, je me rappelle un jour, malheureusement, je l'avais fait, j'étais très jeune, hein, et je m'en veux avec mon frère, elle en pouvait plus. Je pense d'ailleurs à tous les gendarmes et les policiers étaient dans la gendarmerie, ils étaient en craquage. Non, mais c'est vrai, ils leur demandaient de faire des trucs ouf. Et donc, je lui ai dit, écoute, moi, je pars 15 jours en vacances, viens avec moi. Le gars, il était au bord du gouffre. Et puis, il arrive au docteur, il dit, je suis pas bien, j'ai des idées noires et tout. Je lui ai dit, écoute, tu mets samedi avec dimanche, et la chemise, il y avait le col sous l'oreille. Il avait un col sous le téton, l'autre sous l'oreille. Tu vois, je lui ai dit, en plus, docteur, je vais vous dire, je pars en vacances, j'ai peur de le laisser seul. Pam, il a coché. Ah ouais. Repos en province obligatoire. On a gagné nos vacances. Alors que moi, c'est pas une question de santé, hein. Ouais. C'est une question de portefeuille. Ah oui. Parce que quand le mec il te dit, on va devoir se revoir une deuxième fois. Ouais. Bah, non, ça va bien, monsieur. Lui, ça va bien, monsieur. Lui, déjà, il a peur. Il a peur. Il sort pas. Il va pas chez le médecin parce qu'on paye. Ça lui va pas. Non, mais c'est ouf. Il faut se calmer sur ça. Mais bien sûr, mais surtout que t'es remboursé, Sylvain. Bah, ouais. Va nous faire crevard comme ça. Désolé, j'ai pas de mutuelle, moi. Mais c'est pas la mutuelle, c'est la carte vitale. Tu peux aller au tout bip quand même, ah ouais, te soigner. Ouais, après ça dégénère. Non, mais c'est le pire, il ose même pas avancer le médecin ou même de la bouffe, il ose pas avancer. Mais t'as pas quoi. Eu le prix que c'est. Mais quand t'es remboursé un peu, accepte, tu vois pas passer. On te rembourse le lundi, le temps que la banque fasse les comptes, limite tu le sens pas. Ouais, mais faut avancer l'argent. Ouais, faut avancer. Moi je l'ai pas l'avancement. Ouais, d'accord. Ouais, je me rappelle un jour avec Energy, on était parti bouffer. Ouais. Il y avait un Energy Music Tour. On était justement sur l'aire d'autoroute et je lui dis, Sylvain, on a 15 euros par personne. Il me dit, mais c'est quoi ça? On va faire l'Energy Music Tour, on fait 400 bornes et on doit avancer du pognon. Je bouffe pas. C'est vrai. Il est arrivé, il louchait sur tous les triangles, sur tous les donuts, sur toutes les boissons, on n'en pouvait plus. Quel crevard. Le crevard de l'équipe, Sylvain le tombe. Évidemment, Sofiane, je vais te faire un petit cadeau, c'est ça de prix, ok? Je t'embrasse, mon Sofiane. C'est gentil, merci. Et continuez comme ça, vous gérez l'équipe. Merci, on t'aime, mon Sofiane, c'est un vrai bonheur. Les amis, Quentin va retrouver sa meuf après 3 ans d'absence. Il a fait un AVC et s'est rendu compte que c'était la femme de sa vie. On aura le VTC de Malik, là, en direct du bled. Et puis surtout, c'est maintenant les annonces de Rico, vous les adorez. Je passe pour un policier et évidemment, je demande une reconstitution des faits autour d'un objet. C'est tout de suite. La playlist suprême est de retour sur Énergie pour Noël. 50 000 euros à gagner sur Énergie. La playlist suprême Énergie, c'est Angèle, Marshmello, Big Flo et Oli, Marnik et Smack, 3 cafés gourmands. Cette playlist sera jouée sur Énergie une seule fois, dans cet ordre précis, aujourd'hui ou avant fin décembre. Soyez attentifs. Dès que vous l'entendez, appelez Énergie 3937 et gagnez la somme folle de 50 000 euros. Tout le monde connaît son nom. C'est Bumblebee. Bumblebee Transformers. Ou presque. Bumblebee. Bumblebee. Il me semble que c'est Bumblebee. Non, Bumblebee. Bumblebee. Le robot le plus cool de la saga Transformers débarque pour le film événement de Noël. Bumblebee. Voilà Bumblebee, le 26 décembre au cinéma. Grâce à l'abonnement L'Équipe Numérique, profitez des avant-premières et des contenus exclusifs avant tout le monde. Et devenez la diva des influenceurs, le prince des fils d'actu, l'empereur des réseaux sociaux, le pape d'Internet. La passion du sport en illimité sans engagement pour les moins de 26 ans à seulement 5 euros par mois. L'équipe, tous unis par le sport. Voir conditions sur l'équipe.fr. Claudio Capeo. Ta main, son nouveau single. Son nouvel album, Tant que rien ne m'arrête, disponible dès le 7 décembre. Vous allez gagner 10 000 euros de cadeaux par jour sur Énergie grâce à Cdiscount. C'est maintenant 6-9, soyez les bienvenus, on va bien démarrer la journée. La semaine prochaine, écoutez Manu dans le 6-9 dès 6h sur Énergie. Vous voulez des dizaines de cadeaux pour Noël? Manu et Cdiscount vous les offriront. Euros de cadeaux par jour à gagner la semaine prochaine avec Manu et Cdiscount. La bonne idée débute, c'est moins 50% sur une table de jeu avec babyfoot, billard, blackjack, 10 cadeaux en un. Elle est là pour se tromper à Noël, hein, faudrait vraiment être une bûche. Ah, c'est vrai qu'elle est pas mal. Le Sweet Noël continue chez But. En ce moment, moins 50% sur la table multijeu qui passe de 200 à 99,99€. Oui, 99,99€. Sweet Noël, doux Noël.

Allô ? Oui, bonjour. Oui, bonjour madame, je suis monsieur Latour, officier de police judiciaire, vous m'entendez ? Oui, très bien. Nous vous appelons madame, c'est parce que j'aimerais savoir si vos casseroles sont toujours avec vous. Oui, je les ai là, je les ai sous les yeux. D'accord, alors j'ai un petit souci, c'est que j'ai un opérateur qui m'a fourni en fait un enregistrement et ça parle de ces casseroles et de ces références-là. Donc d'accord. Je souhaiterais justement faire la lumière avec vous, savoir si vous avez eu un souci avec votre conjoint par exemple. Ah non, du tout. D'accord, non, parce que je suis embêté, j'ai un enregistrement avec ces casseroles-là, voyez-vous, hein, et une oui. jeune femme qui taperait en fin de compte son conjoint avec les casseroles. Non, je ne frappe pas mon conjoint, ni avec une casserole. Très bien. Alors, j'ai l'enregistrement de mon côté, hein, pour pouvoir classer ça et puis vous disculper rapidement, hein, il n'y a pas de souci. D'accord. Hein, vous non, êtes présumé innocente. Est-ce que vous pourriez me prendre deux casseroles, s'il vous plaît ? Oui, moi j'ai les deux plus petites d'accord. dans les mains. Alors, l'idée, c'est que vous puissiez les claquer. Et en même temps, vous me dites, pour qu'on fasse une analyse de voix entre la vôtre et l'enregistrement, ta soupe d'accord. est dégueulasse, Jean Gérard. Allez-y. Ta soupe est dégueulasse, Jean Gérard. Je préférais manger du fumier. Voilà. Je préférais manger du fumier. C'est ta casserole ou moi ? C'est ta casserole ou moi ? Vous tapez, on continue, vous tapez comme ça, on continue. Ça tape, allez-y. Très bien. Tu me bouffes pas le cul, Jean-Gérard. J'en peux plus. Jean-Gérard, c'est une blague, c'est pas possible. Non, c'est ce qui est dit dans l'appel. Allez-y, madame. Jean-Gérard, tu bouffes plus. J'en peux plus. Tu sais ce que je vais faire avec mes casseroles. Tu sais ce que je vais faire avec les casseroles. Des rognons avec tes couilles. J'ai vraiment obligé de dire ça. Allez-y. Des rognons avec tes couilles. Je les ferai revenir à l'herbe de Provence. Et je te les ferai bouffer. Et là, tu dis Jean-Gérard, et puis vous tapez. Jean-Gérard. Très bien, vous rigolez. Là, il y a un fou rire. Vous rigolez, allez-y. Plus de rire, les casseroles et du rire. Allez-y, vous avez 30 secondes d'impro. Vous me faites ce qui vous passe par la tête et on a terminé. Vous avez 30 secondes, vous me dites ce que vous pensez. Vous me parlez de Jean Gérard, vous me parlez des casseroles. C'est le dernier test, on y va, 30 secondes, c'est parti, c'est à vous. J'en ai ras-le-bol, je comprends rien de ce qui se passe. Et là, tu commences à me casser les oreilles, Jean Gérard. Encore, il reste 15 secondes, allez-y. Vous êtes sûr que c'était pour une enquête ? Parce que là, je commence à douter sérieusement. Pour moi, c'est bon, vous êtes disculpé, hein, c'est pas vous. Non, vraiment, bravo. Et en plus, on va vous faire un petit cadeau. Puisque vous êtes en direct sur LRJ. Et merci à vous. Vous avez été exceptionnel. Bravo madame. Je m'appelle Émeric Baudry, mon surnom c'est Rico. Et vous êtes dans le Rico Show sur LRJ, 20h-23h. Ça marche. Bravo à vous en tout cas, vous êtes magnifique. Raccrochez pas, on vous embrasse. Oh là là. J'adore, grave. Je pourrais passer la nuit à les faire les amis. Les news arrivent, le VTC. Et les news sont grasses les amis. Il y a notamment une sombre histoire de colocataire et d'un yop qui a fait débat. La police est intervenue. Tu m'as bloqué, tu penses que j'ai une autre à mes côtés. Toi tu t'es fait une raison sur un coup de tête. Et ça me tourne autour à croire que je suis coté. Mais je les envoie balader. Elles n'ont pas ton sourire, je leur ai dit sorry. Et depuis que je suis parti, ton cœur est balafré. Je passe mon temps à sortir, tu le vois dans mes stories. On n'a plus rien à se dire, dis-moi où j'ai faussé. Et je vois que tu fais ta vie, que dans la nuit tu brilles. Mais je te connais par cœur, tout ça c'est pas toi. Et je vois qu'on te courtise, dis-leur de rester tranquille. Non, on n'est plus ensemble, mais t'es quand même à moi. Mais toi tu crois que je suis ailleurs. Que j'ai comblé le vide dans les draps d'une autre. Et moi je crois que t'es ailleurs. Que t'es dans ses bras. On s'est manqué. De mentir quand je te souhaite le meilleur. Sans dire un mot, on s'est tourné le dos. Comme deux inconnus quand on se croise en bendo. Tout est snapisé, je suis pas parano. Tu me surveilles sans cesse, mais surveille tes poteaux. Tant pis, on s'oubliera. Le temps nous dira si on a bien fait. Et si je te mens parfois, si je fais semblant, c'est que j'ai ma fierté. Mais toi tu crois que je suis ailleurs. Que j'ai comblé le vide dans les draps d'une autre. Et moi je crois que t'es ailleurs. Que t'es dans ses bras. On s'est manqué. On s'est manqué. côté. Ça va, bah moi je fais la même. Je sais que t'as envie de me rappeler. Je sais que t'as envie que je revienne. Qu'est-ce qu'on fait? On s'évite, on s'oublie, on se voit, on se confie, on se cache. Qu'est-ce qu'on fait? On s'appelle pour de bon, on se dit au revoir. On s'est manqué. Ce son, moi j'adore. Gros bisous à Ritza, c'est les news. Emeric a lui aussi son JT. C'est les news de Rico sur Énergie. On a de la grosse news, notamment autour des colocations, puis on s'écoutera Labra, Ariana Grande et Promise. Bref, que du kiff ensemble les amis, bienvenue, c'est votre émission 0870 42 48, vous participez comme Zaza de Toulouse. Ça va Zaza? Salut l'équipe, salut Rico. Salut Apollette, on est trop contents que tu sois avec ça nous. Ça va, ben moi aussi, trop. Il y a du lourd. Ça fait trop plaisir. Ah ben écoute, franchement, t'es la bienvenue. T'es ici chez toi, là. Merci. Enlève tout ce que tu veux, les babouches, les chaussons. Profite, profite. Alors Zaza, justement, on va parler d'une sombre histoire de colocation, les amis, je vous le dis. En fait, il y a une enquête, ça se passe dans un pays asiatique, oui, à Taïwan. On nous dit, les amis, qu'une nana a retrouvé en fait son yop, sa bouteille de yaourt vide, d'accord? Donc elle était vénère, elle est partie voir la police, ok? Elle a dit, il y a quelqu'un qui a bu dans mon dos, ok? Ouais, j'ai quatre colocataires, personne s'est dénoncé, c'est très grave. Du coup, ils ont pris l'ADN du goulot, d'accord? Ça leur a coûté 850 euros et ils ont confondu la bonne colocatrice. Mais non. C'est une blague, j'espère. Non, c'est vrai. Non, mais on dirait la pub, faut pas me voler mon yop. On est exactement dans ça, Sarah. Et ce que je vais te dire, c'est qu'en fait, ils sont vénères, les Taïwanais. Ils disent, attendez, les gars, on a dépensé 850 euros d'argent public alors que la bouteille coûte 1,50 euros. Ouais, carrément. Zaza, toi, t'es comme ça, tu voles un petit peu? T'es voleuse de yop? Alors moi je vole pas les yop, par contre je fais des enquêtes aussi pour savoir si on me pique des trucs. C'est pas vrai, c'est pas vrai, raconte. Si, en fait plus jeune, quand j'étais au collège, j'ai fouillé dans le cartable de mes copines pour savoir laquelle avait piqué mes chips. Oh purée. Voilà. Sauf que du coup, après réflexion, c'est moi qui les avais mangés, mais peut-être une heure avant. Oh non. Et t'avais tout retourné, c'est horrible. Du coup, je me suis fait griller en train de fouiller dans le cartable d'une copine, et puis en fait, pour rien, puisque voilà. Oh là là, Sherlock, bravo Sherlock, bravo, exceptionnel. Alors, continue ça. Et puis, moi, je le sais, puisque Sylvain me pique souvent ma bouteille de Coca Zero que j'ai à côté de moi, mais dès que je sens le goulot, je reconnais la laine. Je mets la main sur la personne. Et en parlant d'école, Zaza, j'ai une histoire complètement folle là, les amis. C'est une petite de 10 ans qui, dans le bus, en fait, elle tyrannisait un autre élève, d'accord? Ça, donc, c'est vraiment le terme, hein. Tyranniser, c'est son papa qui le dit, hein. C'est pour vous dire, quand le père dit qu'elle devait tyranniser, c'est que c'était le cas. Harcèlement scolaire de ouf, hein, on y est. C'est pour ça, les gars, arrêtez. Je vous dis, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent, les amis, calmez-vous. Hein. Et puis pour les parents, je trouve le geste formidable. En fait, le papa, ce qu'il a décidé de faire, c'est qu'il a mis sa fille à pied, il a interdit de bus, d'accord? Il l'a prise dans sa voiture et il lui a fait faire genre 500 mètres à pied, et lui rouler à côté en train de la filmer. Mais alors, tu vas à pied à l'école? Ah oui. Et du coup, il lui a mis une petite leçon comme ça. Franchement, c'est bien. Mais c'est pas bien d'harceler les autres. Ouais. En plus, voilà, là, le père, il a bien réagi. Ouais. Il ne faut pas faire de fessées, tout ça. Ouais. Mais un petit aller-retour, ça n'aurait pas fait de mal aussi. Il a fait 500 mètres à pied, il a filé. Et alors, t'en chies, C'est horrible. Elle va être victime du harcèlement. Elle aussi, les copains, ils vont se foutre d'elle. Ouais, c'est pas cool. Le harcèlement par le harcèlement, peut-être stop. Il faut aller réfléchir avant d'harceler l'autre petit garçon. Mais je trouve que sur 500 mètres, bon, c'est peut-être devenu viral. Il pensait pas autant, mais ça lui fait les pieds. C'est vrai. Bah alors que moi, mon père, il n'y a pas besoin de faire de bêtises. Hein. Ah ouais. Et c'était tout le temps à pied, hein, à l'école. Hein. Ah ouais, d'accord. Ça coûtait trop cher, le bus. Ah ouais, Attends, ça coûte cher, le bus. D'ailleurs, aujourd'hui, Sylvain a des chaussures et il écrit BMW. Il est vraiment en BMW pied, les amis. Allez, on se met labyrinthe et il y a du très très lourd qui arrive, les amis, notamment un groupe qui a été créé pour apprendre aux femmes à sextoter. Oh là là. Sarah est inscrite, on en parle. Words of love. When all is said and done, let me hop your hands in the air. I'ma go for your stuff. Words of love. like a drug. Allez les amis, c'est les news. Emeric a lui aussi son JT. C'est les news de Rico sur Énergie. VTC, on approche dans 5 minutes. Malik prendra un client, lui qui est plus blédard que jamais. Vous allez le voir, il débarque soi-disant en France. Il s'est grimé hein, pour ressembler à son propre cousin. Sombre histoire, on va se régaler. Et puis Quentin va tenter de retrouver sa meuf. On est dans les news avec Zaza de Toulouse. On se régale, oui. Franchement. Ah là, Toulouse me manque. C'est vrai que Toulouse, c'est sympa. Nous aussi, hein, Zaza. Non, mais oui. C'est vrai. Ah ouais, mais t'es de Toulouse, Rico ? Mais mes parents sont de là-bas. Ouais. Non, bah, ça fait 15 fois qu'il le dit. On le connaît maintenant. Je n'écoute pas quand il parle. Excusez, Sarah, dans Toulouse, ce qui l'intéresse, c'est classe 6. Elle n'écoute qu'à moitié. Mais il y a la saucisse de Toulouse aussi. Oui. Oh, je traverse celle de Strasbourg. Ah, t'en as pas assez bouffé de la saucisse, toi. Il va falloir lui en faire bouffer les quatre coins de la France. Pas de saucisse. Dans chaque région, il y a une saucisse. Hein. Bah ouais. Bah oui. Il y a la saucisse de Morteau chez Potard. Bah oui. Hein, chez JM, il y a quoi comme la saucisse? Merguez. Elle est un peu plus cuite. Il est con, celui-là. Ah, ils sont cons, je te jure. Avant de parler de ce groupe du jour, un groupe qui permet aux femmes de sextoter en toute sécurité. Attention, un sexto danger, deux sécurité. On va en parler, tu vas voir Zaza, toujours sextoté deux fois. J'ai hâte de vous en parler, je suis sûr que vous êtes quelque chose dans la voiture là. Et c'est financé par un gouvernement, c'est ça qui est... Ça par un homme, c'est sûr. Ouais, par une moustache, tu vas vite comprendre ça. Tiens les amis, il fallait que je vous parle de ça juste avant. C'est qu'il y a un homme qui a appris qu'il détenait en fait la clé qui ouvre tous les appartements de sa résidence. Oh. Hein, et donc c'est un bug énorme en fait qui est arrivé. Évidemment, il n'en a fait aucun usage, hein, je vous le dis. Si c'était tombé dans tes mains, Sylvain, par exemple, si tu apprenais que ta clé ouvrait celle du voisin. Ah non, mais moi, je vais récupérer la clé d'un pote, il était facteur. C'est pas vrai. Et tu sais qu'avec la clé des facteurs, tu peux ouvrir toutes les portes. Ouais, et toutes les boîtes aux lettres. Ouais, les boîtes aux lettres, mais les portes d'entrée, c'est-à-dire les halls d'entrée. Mais bien sûr que oui, les halls d'entrée, d'accord. Les halls d'entrée, tu peux rentrer avec. D'accord. Et donc, j'avais un petit pass et des fois. T'as fait quoi ? Ouais. Non, j'avais une voisine qui me plaisait bien. Ouais. Et je me faisais passer pour le facteur des fois. D'accord. Donc je faisais des fausses enveloppes. Ouais. Et je tapais à sa porte. Ouais. Et je lui disais, bah écoutez, tiens, vous avez reçu un colis. Mais elle dit, mais j'ai jamais reçu de colis. Ah oui, et là, bah écoutez, entrez, prenez un café, on va discuter. Voilà, à force, elle a pris quoi. La légende dit qu'il a fini par coller le timbre. C'est assez clair, je vous le dis, les amis, complètement ouf ce bug. Et je savais que si tu l'avais entre les mains, ce serait compliqué. Et les amis, on a également une autre news complètement ouf. C'est un mec qui était un peu cuit, qui a commandé une peluche avant de vous parler des sextos. Là, il va falloir qu'on prenne le temps là-dessus. En fait, il a commandé une peluche géante. Ouais. Il s'en est pas rendu compte. Et évidemment, ce qui s'est passé, c'est qu'on l'a appelé à la douane. Il avait 880 euros de frais de douane, puisqu'il l'avait acheté très loin de chez lui, c'est-à-dire en Chine. Hein. Ah ouais. Ah ouais. Ah, ça fait cher le Pikachu. Hein. Ah, mais ça m'était arrivé, moi, pour ma boutique. J'avais une boutique de vêtements et j'avais commandé en Chine des sacs, je pensais, de marque. C'est vrai que c'était pas très cher. Chanel à 30 euros, c'était bizarre. Ouais. Et en fait, il y a un mec de la douane qui était venu à ma boutique pour me faire payer une amende. C'est pas vrai. Ouais, parce que j'avais pas le droit. Oh là là. Je te jure, l'angoisse. Zaza, tu t'es jamais mis dans des angoisses comme ça? Bah, disons qu'une fois, moi, alors c'est pas très cool, hein. Ouais. Mais bon, j'ai quand même réussi à commander 10 000 enveloppes. Voilà. C'est pas vrai. Écoute, c'est bien quand t'as pas de sous à mettre dedans. Autour de moi, que c'était toujours pratique à avoir. Voilà. Oh là là, t'as l'histoire de fou. Zaza, faut se calmer là sur les commandes chelous. Non, moi, les seuls problèmes que j'ai eu avec la douane, c'est que j'ai pas franchi le pays, quoi. Ah ouais, faire caler. Non, je rigole, mais des fois, aux États-Unis, si vous avez la chance d'y aller, les amis. Oh là là, les questions qu'ils posent. Et le gars m'a sniffé jusque sous les. Mais c'est des dingues, les mecs là-bas. Mais c'est des dingues. Ils vous foutent à poil, ils vous font tousser. Hein. Mais c'est des malades, c'est des fous. Non, c'est allez, chaud. Kenji, les amis, sur Énergie. D'ailleurs, Kenji sera là jeudi. Tiens, on se l'écoute. C'est un vrai bonheur de le recevoir. Et puis lundi, on aura aussi Amir. Ouais. Bref, que du kiff. Et les amis, je vous parle de ce groupe-là pour sextoter avant de se faire le VTC. Hein. On aura Malik en direct de sa voiture. C'est énorme. Le Rico Show ce soir jusqu'à 23h. Depuis qu'on est des mômes, mon ami l'on a ramé. Maintenant qu'on est des hommes, les rames je veux ranger. Si te viennent des larmes, viens donc me les donner. Les gitans, les gitanes, c'est pour ça qu'on est fait. Diago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Diago, j'ai mis le temps pour le dire. Mais mon ami, je suis là pour le pire. De toi, se moque aussi de moi. Dans 20 ans tu verras, on en rigolera. Si ça part en bagarre, on jouera quatre mains. Les gitans, les gitanes, Dieu nous donne à des points. Tiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Tiago, j'ai mis le temps pour le dire. Mais mon ami, je suis là pour le pire. Mon ami Thiago, mon ami, mon ami, mon ami Thiago, mon ami, mon ami, mon ami Thiago, Thiago. La copine qui part, mais ne reviendra pas. C'est du temps pour se voir, oui, pour qu'on parle de toi. Si ton cœur est en panne, apporte-le dans l'heure. Les gitans, les gitanes, on est bons bricoleurs. Thiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Thiago, j'ai mis le temps pour le dire. Mais mon ami Thiago, Thiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Thiago, j'ai mis le temps pour le dire. Mais mon ami, je suis là pour le dire. Avec vous les amis jusqu'à 23h avant de retrouver Malik qui est dans une forme internationale parce que mon Malik, vous le savez, ce soir il est blédard, il remplace soi-disant son cousin et lui fraîchement arrivé du bled évidemment, il est perdu. On va d'ailleurs prendre de ses nouvelles. Ça va Malikus? Ça va mon Rico, tu vas bien? Écoute, en pleine forme, comment il va le blédard? Je sais qu'il est un peu perdu là, fraîchement arrivé. Ah, le, le blédard il comprend rien du tout à Paris parce que c'est super compliqué et ça se passe pas du tout comme ça dans mon pays parce que je viens du Zougoustan. Très bien, le Zougoustan, j'adore, ça va partir en vrille. Je sais notamment que toi, l'eau et les bonbons dans un VTC, ça provient de qui? Ah non, ça provient du client et non du chauffeur. Oh là là, ça commence bien, il va nous faire tout à l'envers. On va se régaler avec lui, restez bien avec nous. Malik sera avec son client dans quelques instants. Merci Malik, allez, à tout de suite. Alors, Rico. 5 minutes avant de retrouver Malik. Eh oui les amis, et d'ailleurs on continue les news, moi j'ai la dalle, hein. J'ai hâte de se faire ça. Sasa, Masasa, je voulais t'en parler, ce groupe du jour, hein, avant de passer à Malik, permet aux femmes de sextoter en toute sécurité. Ah enfin. Voilà. Au Mexique, je sais que vous aviez besoin de ça les filles, je le sens, vous voyez. Un groupe appelé les Lutteuses a été créé pour permettre aux femmes de sextoter en toute sécurité. Ces femmes rejoignent ce groupe pour pimenter un peu plus leur vie de couple et les libérer de leur gêne qu'elles pourraient avoir. Notamment on leur apprend à envoyer des nudes sans la tête. Mais c'est bien, mais ça évite que le mec derrière envoie à ses copains, etc. C'est une sécurité, c'est bien. On leur apprend à faire des photos un petit peu érogènes pour exciter son partenaire. Ah, Zaza, je t'inscris ou pas au cours? Moi, ouais, je te sens mais pas chaud. Ma foi, pourquoi pas. Non, mais franchement, je trouve ça un peu débile. Hein, parce qu'au Mexique, frérot, ils ont des problèmes terribles. Mais ils sont là à créer des groupes pour apprendre à sextoter. Je trouve ça un peu fou. Mais attends, surtout que le groupe, ça s'appelle les Lutteuses. Je suis sûre que la nana qui a inventé ça aime les femmes et donc c'est pour se rincer l'œil, c'est sûr. Envoyez-moi vos nudes, les filles, je les valide. C'est un peu comme Sylvain qui peint les. Ouais, non, mais c'est ça, c'est un peu comme Sylvain qui peint les femmes nues. Je peux te dire que l'étoile, elle ressemble à rien, Zaza. Ça, je te le dis. Non, mais en France aussi, ça existait. Tu sais pas, Rico? Non. Ah bon, les gilets roses. C'est pas vrai, chacun vient avec son sextoy. Exactement. Écoute, moi, samedi, j'y serai. Alors, Zara, tu seras ou pas? Avec plaisir, en tête de gondole. Oh là là, même pour tous. Tu vas voir, hein, la gondole, on adore ça, le chef de rayon, Sylvain. Ah, je suis en tête de gondole, moi, toujours. Oh non, c'est horrible. Vous êtes cochon. Vous ne pouvez pas vous en empêcher. Non, j'ai trouvé ça fou. Je voulais vous en parler. Et pour apprendre aux nanas à sexter, où est-ce qu'on va? Ouais, non, mais attends, on devrait faire ça pour les mecs. Parce que nous, ça, nos sextos sont classe, beaux, mais vous, c'est toujours la même chose. Ils sont moches. Tu en as reçu des milliers ou quoi? Que tu les as tous comparés? Ils sont tous pareils, tu dis. Pourtant, on s'entraîne. On prend en photo le barbecue une paire de fois. La saucisse, on la prend sous toutes les angles. C'est pour mieux vous l'envoyer. Moi, elle passe pas dans le cadre, c'est pour ça. Oh non. Ah ouais, et elle est beaucoup plus belle avec un filtre. Avec le filtre lapin, tu sais. Oh là. C'est pas vrai, parce qu'il ment souvent, on dirait Pinocchio, il a un long nez. Allez. Les chevilles non plus, elles n'y passent pas dans le cadre. Ah ben ouais. Tu verras quand tu la verras. Oh non. Les chevilles, il parle évidemment, hein, il parle des chevilles. Tinder, tu verras. On t'embrasse, ma Zaza, parce que là, ça dérape. Bisous, Zaza, on te fait un petit cadeau. Bisous. Merci d'être passé, ma petite chérie, on t'aime très fort. C'est l'heure du VTC de la peur. On retrouve Malik dans sa voiture. Une minute et c'est son tour. Une petite info qui vient de sortir, on apprend qu'aux États-Unis, il y a un ours qui est rentré. Ça me fait rire. Il est rentré dans un local de police. Oui. Il a pris la vidéosurveillance, il est rentré chez les flics. Mais il n'est pas rentré comme un ours à quatre pattes. Il s'est levé à la porte. Il est passé sur deux pattes, ce qui fait que les mecs l'ont pas vu. Il était debout, il a ouvert la porte. Chez les flics, c'est ça? C'est un ours qui a envie de bouffer du poulet. C'est Coé, c'est à 17h, c'est sur Énergie et en podcast sur énergie.fr. Mission Impossible Fallout en Blu-ray DVD. Allez. Un film d'action intense et explosif avec Tom Cruise. Mais qu'est-ce qu'il fait? Je crois qu'il vaut mieux pas regarder. Mission Impossible Fallout, maintenant Blu-ray DVD et VOD avec Énergie. Découvrez Oh My Mag, le nouveau magazine féminin pour se faire plaisir. Beauté, déco, food, sortie. Retrouvez les meilleurs do-it-yourself, nos recettes du réveillon et les dernières tendances beauté. En cadeau dans ce numéro, un poster à colorier, 12 stickers de Noël et nos cartes astro illustrées. Oh My Mag, le magazine pour s'ouvrir aux autres, rêver et partager. Actuellement chez votre marchand de journaux et sur prismashop.fr. Gagnez sur Énergie 3 minutes pour tout choper dans un magasin but. Écoutez Coé de 17h à 20h sur Énergie. Salut, c'est Coé. Foncez dans un magasin but avec votre famille. Prenez-vous en photo avec un accessoire de Noël et envoyez-la à coé@energie.com. Si je vous choisis, je vous offre 3 minutes pour choper tout ce que vous voulez sans rien payer dans un magasin but. Énergie, hit music only. Chez King Jouet, le deuxième jouet Lego est à moins 50% ce week-end. Petit Papa Noël. Au fait, c'est quand qu'il descend du ciel? La nuit de Noël, non? Donc, du 7 au 9 décembre, Petit Papa Noël, King Jouet. Attends,

Vous allez vite voir que c'est pas celui qu'on pense. Hein. Notamment quand on s'appelle Malik, on se connecte avec lui. Le client est sur le point d'arriver. On me fait des signes. Connecte-toi, connecte-toi. On y va, dans la voiture de Malik. Ah oui, ça bouge. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, vous êtes qui? Bah, je suis votre client. Vous êtes bien VTC? Oui, c'est... Oui, oui, c'est... Je suis sur le nom de Lee, mais oui, c'est mon cousin. Mais attendez, vous n'avez pas la même tête, hein? Hein? Vous n'avez pas vraiment la même tête? Non, non, c'est mon cousin Lee. Voilà, parce que c'est mon cousin Lee. Je viens de Chine. J'ai le remplacé pour la pour les deux semaines à venir. Eh oui, Malik, c'est grimé, hein, pour pas ressembler à la photo hein, originale, ah évidemment, ouais, de son VTC, pour faire exactement croire au client qu'il est bien le cousin du vrai titulaire hein, du VTC. On se reconnecte. Vous appelez comment? Jérémy? Ben, c'est marqué sur l'application. D'accord, alors c'est comme ça que ça fonctionne en France. Vous rentrez dans le véhicule directement. Ah oui, d'accord, je sors pas du véhicule pour vous dire c'est bien vous et tout, et vous, je vous accompagne. Non, c'est pas comme ça que ça marche. On n'est pas à genoux. Ouais, d'accord, parce qu'en Chine, il faut quand même qu'il faut se mettre à genoux. Faut essayer. Ah ouais, non, non, non. D'accord, okay, alors voilà, vous rentrez direct dans mon véhicule, ah, vous me récupérez quelque part et vous me posez quelque part. Un cirage de chaussures. C'est comme ça que ça fonctionne. Ouais, bien, oui. D'accord, ok, parce qu'en Chine, c'est vu comme vous devez aller en prison si vous faites ça. Rentrer dans le véhicule de quelqu'un, c'est une intrusion. Mesdames, c'est votre métier. Ah d'accord, ok, ok, bah, il faut que je comprenne les choses. Ça monte doucement au cerveau, mais une fois que ça monte, c'est bien parti, quoi. Ouais, ouais, bah, c'est mon cousin, il m'a pas très bien expliqué comment ça se passait, quoi. Alors dites-moi, avant de démarrer, est-ce que vous pouvez me donner avant une bouteille d'eau et des bonbons, si ça vous dérange pas? Mais non, mais c'est normalement, c'est vous qui donnez une bouteille d'eau. Non, non, non, c'est pas comme ça. Non, c'est le client qui donne des bonbons et de l'eau au chauffeur. Ça va être énorme, les amis. Je le sens bien, ce VTC du Bled. Le client, pour l'instant, a l'air sympathique. Ouais, hein. Très. Grande bonne humeur. Tout est au beau fixe. Attends de voir un peu. Lorsqu'il allumera la radio et qu'on l'annoncera recherché et qu'il va enlever sa moustache et sa barbe bien grimée ainsi que sa casquette et qu'il découvrira qu'il est bien le vrai Malik et non Lee, le cousin prétendu. Allez, on s'écoute Taki Taki sur Énergie. Wow, oh, oh, oh. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki Taki, Taki Taki rumba. Prende los motores de Kawasaki. En la discota Jenny llegaron los Anonaki. No le baje, el puri sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. El puri sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. Touch it and tease it and squeeze it. With my piggyback is hungry, my nigga, you need to feed it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know, this Panani is undefeated. Ay, he said he really wanna see me more. I said we should have a date where at the Lamborghini store. I'm kinda scary, hard to read, I'm like a Ouija board. But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You hoes got no class, you bitches is broke still. I be talking cash shit while I'm popping my gold grill. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. The love be so fake, but the hate be so real. Sobresale de mi traje, no traje panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comerle el equipaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. My body already know how to play. But work it, keep it tight every day. And I know you need a taste. Now, ooh, I'm falling in love. Give a little ooh, ooh, get it well done. Dancing on my ooh, make a girl wanna run. besito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. C'est le VTC de la peur et vous allez voir que Malik est plus blédard que jamais aujourd'hui. Ce soir, le maître est de retour. Le champion du monde de la catégorie VTC reprend son volant. Malik, le chauffeur le plus terrifiant, va vous faire trembler de peur. Eh oui, Malik vient du Zougoustan et il remplace Lee, son cousin, et il fait tout à l'envers. Hein, vous l'avez vu, il a demandé de l'eau, hein, évidemment, et des bonbons. Il pense que c'est le client qui amène ça, évidemment, au Zougoustan, pays imaginaire, hein, qui n'existe pas. Vous risquez... Eh bien, la mort, hein, si vous vous mettez à genoux devant le client. C'est le VTC du Zougoustan. C'est un petit peu ça. Allez, on se connecte avec Malik dans son VTC. On va où, du coup? C'est quoi exactement l'adresse? Parce que je comprends pas, en fait, comment ça fonctionne. Ben, comme j'ai signalé justement sur l'application, place de la Concorde. D'accord, place de la Concorde. Alors, vous pouvez mettre le GPS sur votre téléphone, comme ça, je vous y conduis tout de suite. Mais si, normalement, c'est vous qui avez tout ça. Bah, écoutez, au Zougoustan, ça se passe pas comme ça, monsieur, non plus, en fait. Écoutez, moi, j'ai l'habitude de là-bas. Vous pouvez juste mettre votre GPS, comme ça, au moins, on perd pas de temps et on y va de suite. Bien sûr, pas de problème. D'accord, bon, bah, allez, je commence à y aller, comme ça, au moins, c'est fait. Bon, parce que sinon, on va perdre du temps. Allez, hop, mettez le GPS. Merde, putain, fais chier. Merde. Qu'est-ce qu'il y a? Putain, il faut aller prendre un petit peu. Oh là là, tourne la clé aussi, t'as que tu. Ouais, ouais, faut démarrer peut-être. J'ai pas compris. Ah, merde, putain! C'est d'abord une marche arrière. Ouais, mais je comprends pas, la voiture elle cale, en fait, parce que j'ai pas l'habitude de conduire ce genre de voiture, parce que en Ouzbékistan, on conduit pas des voitures manuelles. Au Zougoustan! Vous poussez là le guide à droite et vous tirez vers l'arrière. D'accord, c'est pour la marche arrière, ça. Voilà. D'accord, ok. Oh là là, sur la pédale de place. Vous avez le permis ou pas? Hein? Vous avez le permis? Bah, j'ai le permis du Zougoustan, quoi. Mais je sais pas si. Justement, à gauche, à droite, comment ça? On conduit au milieu là-bas. C'est la meilleure. Ouais, bah, en fait, il y a une ligne au milieu, il faut suivre la ligne. Là, d'accord. Bon, je vous explique. Ouais. Là, vous poussez le guide à droite, ouais, vers l'arrière. D'accord. Okay. Oh là, mais il va jamais démarrer. Ah, ouais. C'est bon, nickel, j'ai compris. Ah, enfin, on va pouvoir rouler un petit peu. Ouais. Cette course va commencer. Voilà 5 minutes hein, qu'il est dans son VTC et que ça ne démarre pas. Client patient ce soir, il paraît qu'il y a Tao Potard hein, qui va se présenter du Zougoustan. Comment il va, Tao? Énorme. Ah bah écoute, en pleine forme, hein. Débarque du Zougoustan là, c'est cool. Ça se passe bien aussi, hein. Il fait froid. Ah, ouais. Il fait froid à Paris. Hein. Ah ouais, il fait plus chaud chez nous. Très bien. Écoute, il vient de démarrer, donc il va être sur toi dans 30 secondes. T'es au bout de la rue, c'est ça? Ah, je le vois. Ouais, ça doit faire un moment que tu dois patienter et te cailler. Hein. Vas-y, Tao, dès que tu le vois, on est avec toi, on te suit, on te laisse y aller. Allez, on te suit, tiens. On se connecte aussi dans le VTC. Ah merde, j'ai encore. Ouais, bah, attendez, faut que j'avance. Vas-y, Mali si. Ah, voilà. Ah ouais. Ah, Mali, comment tu vas? Mais qu'est-ce que tu fous là? Hein? Qui parle leur langue. La langue du Zougou. Ah, mais oui, mais toi, t'es. Bah, oui. T'es le cousin de l'Ouzbek. Non, du Zougou. T'es du Zougou, toi. Bah, Potarli. Potarli. De la famille. Bah oui, la famille Potarli. D'accord, ok, moi je suis de la famille Longue. Ah, mais on s'est vu déjà là-bas dans le pays. Non, c'est Tipiac. Hein? Du côté de Tipiac. Ah, Tipiac. Oui, j'habitais du côté de Pirate, moi. Ah ouais, c'est ça. Oui. Et toujours la famille quand même là? Bah, la famille se porte bien, écoute, ils sont encore au pays. Moi je suis venu remplacer mon cousin là. Du coup, je suis chauffeur en ce moment. Excusez-moi, monsieur, hein, c'est de ma famille. Hein. Bah ouais, mais ouais, comme je suis quoi. Un peu pressé, moi, je suis désolé. Bah, il vient de. Vous connaissez pas ce pays, mais il vient du Zougou. Vous aussi, venez du Zougou, ça. Ouais. On va laisser parler tranquillement les amis et vous allez voir qu'ils vont se mettre à parler zougoustanais et ils ne vont surtout pas décoller. Hein, ouais. Ce qui va exaspérer le client très fortement les amis et surtout on annonce Malik recherché. Ouais. Allez c'est parti. Mais énorme ce VTC. Oh là là là là. J'adore. Moi je suis comme un dingue. Grave. Franchement on se régale avec vous sur Énergie. On est là jusqu'à 23h. Ce concept est fou les amis. Moi j'adore. Je me régale avec vous. Rico Énergie sur Snap. On va l'annoncer recherché. Je ne sais pas faire, j'ai beau mentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je ne sais pas faire, j'ai beau sourire quand on parle de toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je n'ai plus rien à perdre, rien à gagner. Je n'ai plus de peine, plus rien à pleurer.

Beau gosse, ouais, plutôt beau gosse. Bon, c'est un style. Hey, tu mates les mecs comme les meufs, dis-moi. Rien ne t'échappe. Hein, petit coquin. J'adore, moi, j'adore. On va se reconnecter très rapidement avec Malik dans son VTC. Le temps pour moi de vous dire qu'on aura aussi Feder, les amis, qui va dérouler. Eh oui, il sera là demain. Demain, on va kiffer avec lui. Je laisse volontairement la pression arriver dans ce VTC, les amis, pour qu'on puisse se régaler avec le Flash Info. Plus il attend, plus il va dégoupiller. Et je pense qu'il commence à en avoir marre. Là, du Zougoustan, province chinoise qui n'existe pas. Je pense qu'il en peut plus. On aura aussi Kenji. Il sera là jeudi, les amis. On va kiffer avec lui. Ça va être énorme. Et puis, on aura Amir. Et je voudrais que ça dure longtemps. Sur la tienne. Quelle voix. Je pense que le client déteste le titre. Je veux dire que ça dure longtemps, ça il est pas du tout pour. Et puis les amis, on a Quentin là qui est là. Quentin il est pas bien. Vous le savez, il veut retrouver sa meuf. Ça va mon Quentin ? Salut Rico, ouais ça va, merci. Salut mon petit poulet. Je sais qu'hier on n'a pas pu avoir ta compagne. Voilà maintenant 4 ans, enfin ton ex-compagne, ouais. Que tu es séparé d'elle. Et évidemment elle te manque très fort. T'as fait un AVC, c'est vrai. Et tu t'es rendu compte que c'est elle la femme de ta vie. Tu veux la retrouver 4 ans après. Et hier tu voulais qu'on t'aide à le faire. Mais elle n'a pas pu répondre. Non, elle était occupée avec ses enfants. Ouais, on avait rendez-vous autour de 22h30 ce soir. Et elle sera bien là, Quentin, elle me l'a encore confirmé. Quentin, t'es comment? Écoute, depuis hier, un peu en stress. J'ai hâte de l'entendre, j'ai hâte de lui dire ce que j'ai à lui dire. Compliqué, ouais. Je suis en stress et beaucoup d'émotions là, ouais. Ah. Ouais, je sais, il a dû gamberger toute la nuit, les amis. On va récupérer Quentin. La fin du VTC de la peur, c'est tout de suite, les amis. C'est tout de suite. Malik va allumer la radio, on l'annonce recherché. Vous bougez pas, on se fait ça, c'est énorme. Je sens que ce truc du Zougoustan, c'est fou. Merci pour tous vos messages. Hashtag Rico sur Énergie. Et puis ajoutez-moi bien sur Snap, R-I-C-O, Énergie. Il y a des cadeaux ce soir. Tous les matins, c'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. Bonjour Jessica. Salut Manu. Quelle est ton histoire que tu as vécue dont tu te souviendras toute ta vie? J'ai vécu une alerte aux requins. J'ai nagé le plus vite possible et c'était vraiment le moment le plus flippant de ma vie. Vous étiez plein à nager vers le bord, quoi. Il y en avait d'autres derrière toi ou... Il y avait quand même du monde et je t'avoue que j'ai pas vraiment regardé qu'il y avait devant ou derrière. Alors, je rappelle, le plus important dans une attaque de requin, c'est pas de nager vite, c'est de nager juste plus vite qu'une personne. Manu dans le 6-9. Money, money. 6h, 9h30 sur Énergie. Mission Impossible Fallout en Blu-ray DVD. Allez. Un film d'action intense et explosif avec Tom Cruise. Mais qu'est-ce qu'il fait? Je crois qu'il vaut mieux pas regarder. Mission Impossible Fallout maintenant Blu-ray DVD et VOD avec Énergie. Leclerc. Chérie, je vais nous prendre le jeu Super Smash Bros Ultimate pour Nintendo Switch chez Leclerc. C'est super ça, mon chéri. Tu m'étonnes, c'est juste le jeu incontournable pour Nintendo Switch. Et après Leclerc. Chez Leclerc, nous défendons aussi vos comptes de Noël. Du 7 au 15 décembre, le jeu Super Smash Bros Ultimate sur Nintendo Switch est à 51,49€ avec en plus 1€ en ticket Leclerc. Voir modalités et magasins participants sur www.culture.leclerc. Super Smash Bros Ultimate pour Nintendo Switch chez Leclerc. Et donc chez nous. Découvrez Oh My Mag, le nouveau magazine féminin pour se faire plaisir. Beauté, déco, food, sorties. Retrouvez les meilleurs do-it-yourself, nos recettes du réveillon et les dernières tendances beauté. En cadeau dans ce numéro, un poster à colorier, 12 stickers de Noël et nos cartes astro illustrées. Oh My Mag, le magazine pour s'ouvrir aux autres, rêver et partager. Actuellement chez votre marchand de journaux et sur prismashop.fr. Vous allez gagner 10 000 euros de cadeaux par jour sur Énergie grâce à Cdiscount. C'est Manu dans le 6-9, soyez les bienvenus, on va bien démarrer la journée. La semaine prochaine, écoutez Manu dans le 6-9 dès 6h sur Énergie. Vous voulez des dizaines de cadeaux pour Noël? Manu et Cdiscount vous les offriront. Oh là là là là! 10 000 euros de cadeaux par jour à gagner la semaine prochaine avec Manu et Cdiscount. Bonjour, c'est Pascal Obispo. Je suis le parrain du Téléthon 2018. Les 7 et 8 décembre, nous avons 48 heures pour accélérer les projets des chercheurs. Grâce à votre soutien, nous avons déjà vaincu des maladies génétiques, mais d'autres restent à vaincre. Les enfants et les familles comptent sur nous, rejoignez-nous. Faites un don au 3637 ou sur téléthon.fr, c'est tellement important. Gérard, Port Fabienne. Oui, Gérard. Dis-moi, il y a beaucoup de monde à l'entrée, là, ça commence à pousser, tu sais ce qui se passe? Ouais, en fait, c'est encore un coup de free. La 4G est désormais illimitée, avec le forfait à 15,99€ par mois. Et puis le reste est toujours illimité aussi, appels, SMS, MMS, un forfait illimité en fait. Ok, merci Fabienne. Bon, tu retardes l'ouverture, s'il te plaît, je vais me prendre un forfait. parfait. Ok. Terminé. Non, pas terminé. Merci Free. J'ai terminé. Offre soumise à condition réservée aux abonnés Freebox avec mobile 4G en France métropolitaine. Hors numéro surtaxé, plus d'infos sur mobile.free.fr. Leclerc. Chérie, je réfléchissais au menu pour les fêtes de fin d'année. On va peut-être se faciliter la tâche. Viens voir tout ce que propose le service traiteur Leclerc. Mais ça a l'air très bon ça. Super, à partir de là, je m'occupe de tout. L'apéritif, les entrées, les plats, les desserts. Je choisis, je commande en ligne ou en magasin et je retire dans le Leclerc de mon choix. Pour des fêtes réussies, profitez du service traiteur Leclerc en ligne ou en magasin. Commande et modalités en magasin et sur www.traiteur.leclerc. Attends, ça, ça a l'air très très bon. Ah ok, ça aussi. Mais tu sais qu'il faut choisir quand même. Oh non. Énergie. Music only. Let's dance, it's a DJ, man, the music play. Man, the girl I try every day. Let them say. Even if I know it's wrong, hope the DJ plays our song so you can find me and dance behind me. Down the line. You love how I dip and whine. With you, it happens every time. My body's lonely. For you only. Something about you got me sweating, sweating. Baby, I'ma drive you loco, loco. Now you got my body shaking, shaking. I wanna dance with you all night. Hey DJ, pull me the music, I know she likes it. Gotta see her moving, got to keep dancing. Show her the press and the media, top celebrity, only me. Give the girl love properly, only me. Give the girl love it endlessly. We give her all of me energy. So me say DJ, turn up the sound, make she move her body, only me. Give the girl love properly, only me. Give the girl love it endlessly. Hey DJ, come on play the music, I know she likes it. Vous êtes client d'un VTC. Et là, flash info à la radio. Vous apprenez que votre chauffeur est un criminel qui cherche à vous kidnapper. Ça fait flipper, non? C'est le VTC de la peur. Et c'est maintenant sur Énergie. Ouais, c'est la fin même. Malik allume la radio là tout de suite, annonçant qu'il est recherché les habits. Et puis, évidemment, on va se régaler. Quentin va tenter de retrouver sa meuf. On aura aussi notre pervers, hein, vous le savez, qui veut se faire castrer, qui est de retour ce soir. Je sais que tout le monde se tient le paquet. Hein. Si vous êtes des fidèles, ah là là, ça va être très très chaud. Et puis, on parlera de pas mal de choses. Benoît a besoin de nous, mais aussi Bastien, ils seront là. 0800 70 42 48. On se connecte avec Malik, les amis. Yes. Ouais. Ouais. Allez. Roulez. Bon, maintenant, franchement, je vais allumer la radio parce que ça commence à m'agacer là. Depuis tout à l'heure, vous manquez de respect parce que je vous dis que je viens pas de ce pays, monsieur, d'accord? De toute façon, je suis sûr, tu te fous de ma gueule depuis tout à l'heure. D'accord? Avec ton pays d'Ougoustan, ton cousin, je sais pas quoi. Je viens de regarder sur Google, ça n'existe même pas. Mais Google, tu m'embrouilles. Oh, je suis sur Google. Tu m'embrouilles, arrête tes conneries. Ramène-moi là où je te demande, c'est tout. Google ne travaille pas avec notre pays. Jamais vu. Allez Malik, ça y est, il s'est rendu compte, je crois, là. On va pas le tenir longtemps. Propose-lui la radio. Je vais vous ramener, monsieur. Oh là là, ça chauffe. Suivez l'application, c'est simple, non? Je vais mettre un peu de musique, ça va nous calmer. Et la musique aux Ougoustans, et ben, ça nous emmène. Mal avec votre cousin, là. Vous n'avez pas compris. Monsieur, la musique aux Ougoustans, ça nous ramène jusqu'à Beaufort. Très bien, allez Malik, allume la radio. On interrompt la zic au bout de 10 secondes pour l'annoncer recherché. C'est parti. Obligé d'interrompre la musique sur énergie. Il apparaît qu'un chauffeur VTC sera activement recherché. D'ailleurs, toutes les radios sont obligées de faire la même dépêche. Nous avons Sarah Cadour, notre journaliste, qui est là pour en parler. Bonsoir Sarah. Et bonsoir, alerte. Le kidnappeur de l'Ouest parisien serait sur le point de faire une nouvelle victime à bord de son véhicule de marque Citroën noir. L'homme de 26 ans s'appelle Malik et se sert de sa couverture de faux chauffeur VTC pour enlever ses clients en prétextant remplacer son cousin Lee. Le forcené ferait croire à sa future victime qu'il serait originaire du Zougoustan et donc complètement déboussolé ici en France. Il bénéficierait de la complicité du dangereux Tao Potar Li afin de mener à bien son kidnapping. Ces deux criminels sont bien entendu deux imposteurs. Si vous les croisez, fuyez immédiatement. Merci Sarah, on vous tient informé sur Énergie. On part en musique les amis. On veut du Claudie Musette à en perdre la tête. On veut un dernier Chabrol. Il a coupé la radio, ça y est, Malik est démasqué. On écoute la réaction du client et du chauffeur du Zougoustan. Non, arrêtez conneries là. Elle vient de dire Malik, ton cousin Zougoustan, je sais pas quoi. Elle parle de toi là. Ah mais ils ont pas dit ça à la radio là. Non, c'est ce qu'elle vient de dire. Ah mais j'ai pas entendu ça. Non, c'est quoi? Garde-toi là sur le côté, garde-toi s'il te plaît. Ah non mais je vous ramène à Concorde, je vais faire mon boulot. Non, pose-moi. Mais mon cousin va pas être content si je fais pas le boulot correctement. Mon cousin, je te dis pose-moi, putain. J'ai pas envie de te poser, je te dépose. Là, la meuf elle vient de parler de toi. Oh, je vais appeler les flics, pose-moi. Ah non, par contre on appelle pas la police parce que mon cousin il est pas en règle. Non, s'il te plaît, non, pas la police, il m'a toujours dit la police. T'es pas en règle, Malik. Enlevez votre main, enlevez. Je vais pas vous toucher, mais enlevez votre main. Oh, Lucas, ça va les poissons, parce que voilà. Il fait flipper le gars. Allez Malik, débranche-le. Monsieur, c'est une blague, je travaille sur énergie, Abri, tu peux lui annoncer, j'allume la radio. C'est une blague, monsieur, c'est une vanne. Vous êtes en direct sur énergie, c'est une blague. Malik est chauffeur VTC, mais il n'est pas recherché. Ça va, monsieur, ça va, vous souffler. Voilà, vous atterrissez tranquillement. On est sur énergie, tout va bien, ça va? Ah, belle embrouille. Franchement. Bon. Tranquille, monsieur. Là, ça va mieux. Vous redescendez, il n'y a pas de Zougoustan, tout ça n'est qu'une vanne, on va vous offrir une télé. Je cherchais un Google, je n'ai pas trouvé ces conneries là. Allez, bougez pas, accrochez pas, on va vous faire un cadeau énorme, VTC. Incroyable. Magique. On va s'écouter Promise, les amis, vous êtes au cœur d'une heure sans pub. Qu'est-ce qu'il est bon, Malik. Ah, il nous a fait rêver ce soir, les amis. Benoît a besoin de nous, il s'est tordu une coucouille. Il n'est pas bien, il va vous expliquer, il a besoin d'aide. Et puis, on aura aussi Bastien qui a vécu un week-end dernier. Dégueulasse, il ne s'en remet pas, il a besoin d'en parler. 0870 42 48. Quentin va retrouver sa meuf, vous le savez. Il va tenter en tout cas de la retrouver. Et puis on aura pas mal de choses avec le retour de notre pervers. Vous le savez, lui carrément les coucous, il veut les abattre. Promise. Are you drunk or not? Gonna judge what I'm doing. Are you high enough to a skills that I'm ruined? Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? Cause we're free to love, so tease me. Ooh. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. You acting tonight. Is it loud or no? Cause my body is calling for you, calling. Do promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so don't get your everything. Tonight. I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Sur Énergie, on est là jusqu'à 23h et Benoît a besoin de nous. Il a fait le 0870 70 42 48 avant de se faire kiffer avec notre pervers hein, qui nous a tous manqué et puis d'aider quand t'as retrouvé sa meuf. Ça va, Benoît? Ouais, salut mon Rico, salut l'équipe. Salut mon poulet. Oh là, à la voix grave, on dirait pas que t'as un problème à la coucouille. Pourquoi tu parles comme ça? Enrhumé aussi, donc Ah, ça aide, ça compense. Ça va mon Benoît, qu'est-ce qui se passe? Raconte. Eh ben en fait, il y a quelques temps, je me suis fait une torsion testiculaire, en baissant et en me relevant. Oh là là. Donc, avis à tous les mecs, ça peut arriver à n'importe qui. Hein. Ah oui, ça peut arriver à n'importe qui. J'ai un pote qui a soulevé un meuble. Non mais c'est vrai. Mais c'est quoi ça, les deux se remplacent l'une et l'autre? Non, c'est il y a ça, une torsion spique, la torsion Benoît. Non, c'est qu'en fait elles se tordent. Oui. Et après ben faut les détordre et ben, c'est super compliqué parce que des fois dans le mauvais sens. Donc d'accord. Oh, j'ai une ex qui savait pas trop s'y prendre, elle va s'occuper de toi. À la suite de ça, donc j'ai eu une opération pour éviter qu'elle se retarde par le futur, quoi. Ah ouais, c'est sérieux. Ah ouais. Oh là là, t'as la couille en tire-bouchon. C'est comme ça que je la vois. Ah ouais, tu sais, je la vois comme le tire-bouchon, tu sais, du pinard, pareil. Moi, de mon côté, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, Benoît, j'ai déjà eu une crampe à la testicule. Oh là là. En fait, quand t'éternues super fort, je pars en avant, je te promets que c'est vrai, je l'ai eu à l'antenne ici, j'ai crié ma race. Ah ouais. J'éternue, je pars en avant, et là, d'un coup, j'ai un truc qui remonte, mais une douleur de ouf, et je crie comme un truc. Mais c'est arrivé une fois dans ma life, je sais pas si vous êtes déjà. Je disais que Hatchoum dans Blanche-Neige était chelou. Eh oui, c'est pour ça. En fait, à force d'éternuer, il se castre. Mais ça j'ai pas connu par contre. Mais bon, rien que ça m'a suffi. Et après la torsion, si Benoît, si t'avais éternué, je pense que t'aurais douillé tout de suite après. Ah ouais, c'est clair, avec les fils en plus. Oh là là. Ah ouais, c'est comme les côtes, il faut pas te faire rigoler, tu sais, quand t'as mal aux côtes, t'es pas bien. Non, mais c'est vrai, mais en plus, en parlant de la petite sacoche, bah quand tu fais pipi, ouais. Tu sais, quand t'es une braguette. Ouais. Et tu sais, t'es un peu dans le speed, là là. Tu ranges tout le paquet, et là tu fermes la braguette dessus. Là. Non, mais t'as un caleçon, sur moi, t'as un caleçon, si Non, mais quand tu l'arranges, et que t'as le truc qui traîne, tu sais, quand t'es gamin, tu te trompes un peu, tu fais dépasser le petit oiseau, et puis vu comme il allonge le potard, ah ouais, non, mais ça peut pas arriver chez Sarah. Mais bien sûr que si. Mais ils sont circoncis. Par contre, aux femmes, c'est vrai que quand on n'a pas trop le temps, on s'épile pas, on se rase les parties, c'est vrai que des fois on peut se couper c'est et ça vrai. Fait hyper mal. Oh là là, moi qui pensais que t'avais un herpès à la moustache. Putain, mais c'est ouf, c'est vrai. Moi, je sais que ça vous le fait. Là où quand tu te blesses le plus bêtement, c'est quand tu mets le doigt de pied entre un meuble. Un meuble, une plainte, une porte. Il devrait faire des chaussettes anti-choc. Et tu cries sourd, tu cries jamais, tu cries sourd. Ah ouais. Ah bon, tu fais comme on n'entend pas à la radio là, mais tu cries pas quoi. Ah d'accord. Elle crie comme au lit. Mais sinon, c'est quand c'est l'apéro, tu te fais. fait mal à chaque fois. Ah ouais. Tu ouvres la bière, là, tu te prends à la bouche. Ah ouais. Ou tu veux casser les glaçons avec la tête. Une fois, deux fois, tu te rates. Moi, je tape mes potes qui ouvrent des bières avec les dents. Arrêtez. Vous avez laissé un chicot sur une Heineken. Le truc le plus débile. Ouais, j'ai une dent creuse exprès pour ça. Ah ouais, c'est pas vrai. On appelle ça la dégoupilleuse. Arrête. Je prends les canettes, hop, t'as dégoupillé à chaque fois. Il y a tous ces potes qui arrivent, tu sais, devant ces chicots avec la bière. Bon, ben fais attention à toi, mon Benoît. Est-ce que c'est soigné là? Du coup, est-ce que ça se soigne? Comment on soigne ça? Ouais. Bah, tout simplement, comme je t'ai dit, il faut se faire opérer. Ouais. Ensuite, t'as des fils. Et puis, voilà, après, normalement, ça t'arrive plus. Hein. Ah ouais, bah écoute. J'ai deux belles cicatrices, par contre. Oula, ah ouais. Ah, t'as la sacoche qui a vécu. Il y a une fermeture éclair aussi là-bas. Ah ouais, tu sais, tu fais peur aux gonzesses, quoi. Là, c'est Jack l'éventreur de la sacoche. Ça a son charme, Ah ouais, ouais. Tu sais comment on l'appelle, le Ribéry des couilles. T'as pas osé. Il a le sac qui a morflé. Merci, Benoît, on va te faire un petit cadeau. Bisous sur tes petites boules. Ouais, ça marche. Salut, mon Benoît, on espère que tu vas te soigner. Tiens, il y a Bastien aussi qui a un petit souci. Ça va, mon Bastien? Ça va, Rico? Ça va, la team? Salut, mon poulet. Avant d'aider Quentin qui veut retrouver sa meuf, raconte-nous ce qui arrive là, mon Bastien. Eh ben, écoute, moi, j'ai passé un anniversaire de merde. J'ai été opéré d'urgence parce que j'ai eu un ulcère. Oh là là. Mes potes m'ont rejoint à l'hôpital. Ils étaient 7. Je me suis fait une coloscopie et tout. Oh là là, Bastien, tu vas nous raconter comment? Parce que là, ça d'un anniversaire à la coloscopie, il y a quand même un monde. Hein. Allez, on se met rien à grandir. On en parle sur Énergie. Quentin va retrouver sa meuf. Et le canular de la nuit arrive. Et le pervers aussi, les amis. Thought I'd end up with Shine, but it wasn't a match. Wrote some songs about Ricky. Now I listen and laugh. Even almost got married. And for Pete, I'm so thankful. Wish I could say thank you to Malcolm. An angel. One taught me love, one taught me patience, and one taught me pain. Now I'm so amazing. I've loved and I've lost, but that's not what I see. So look what I got, look what you taught me. Yeah, for that I say thank you, next, thank you, next, thank you, next. I'm so fucking grateful for my ex. She grew from the drama. Only wanna do it once real bad. Gonna make that shit last. God forbid something happens. At least that song is a smash. Allez, Amir sera là lundi. On aura aussi Kenji, Ricochot public à gmail.com si vous voulez venir kiffer, les amis. Mais là, on se fait le soutien de Bastien qui est en galère. Rejoignez l'équipe au 0800 70 42 48. L'appel est gratuit. Le Rico Show, c'est votre émission sur Énergie. Je me dis que je vais peut-être faire une connerie en vous disant gmail.com. C'est peut-être énergie.com. Cette histoire, ouais, c'est énergie.com. Rico Show public at énergie.com si vous voulez venir, les amis, c'est ça ou pas? Non, on me dit que c'est à l'oreillette que c'est Gmail. Oh, vous me faites chier. Venez, venez, les amis, venez. Putain, vous êtes des bracasses. On est les seuls qui avons un truc, c'est Gmail, énergie ou vous énergie, oh, oh, les pompes la à vélo. Honte. Oh là là, j'en peux. Oh, les bracasses. Oh, oh là là. Tiens, on va aider Bastien. Il a passé une mauvaise soirée. Moi, je suis avec des bracassés. Ça va, Bastien? Ça va. Et salut, mon pote. Ça va, écoute, on est en pleine forme. T'as eu un ulcère, tu nous as raconté soirée de dingue. Ça a fini en coloscopie. Comment ça peut arriver, ça, avant de se faire le canular de la nuit, mon Bastien? Ben écoute, il paraît que c'est le stress. Ah ouais. Il est hyper stressé. Et en fait, ben, à mon âge, à 24 ans, avoir un ulcère, c'est normalement improbable. Quoi. D'accord, donc t'as stressé en fait, le jour de ton anniversaire? C'est ça. J'ai perdu du sang. Je suis parti à l'hôpital directement. Anesthésie générale et voilà, et j'ai tous mes collègues qui venaient pour à la base mon anniversaire. Ils sont venus à l'hôpital avec moi prendre des vidéos, photos pour faire des diapos pour l'année prochaine. Oh là là, c'est énorme. Hey, il t'avait offert un sextoy, tu t'es mal touché ou quoi? Qu'est-ce qui se passe pour Bastien? C'est horrible cette histoire là. Oui, il s'est fait larguer peut-être pendant l'anniversaire. Ouais, c'est ce qui t'a mis en stress, c'est que voilà, tu pensais que personne allait venir, Bastien, à la soirée? Non, je pense que c'est le boulot, pas ça. J'ai appris, oui, peut-être aussi ça. Hein. Ah ouais. Après, bon, je me suis fait larguer, donc. J'ai senti. Ah, tu l'as senti. Bah, et tu sais, lui, il repère d'abord les mâles en détresse avant de se jeter sur la femelle. il est terrible. Non, mais je le comprends, c'est angoissant. Moi, à mon anniversaire dernier, je sais pas si vous vous rappelez, mais soi-disant pote, Enrico, m'ont fait venir la personne que je déteste le plus au monde, pensant que ce serait une surprise pour moi. Et là, l'ulcère, j'ai failli le faire. Parce que Bastien, en fait, je t'explique, elle était dans un groupe de chants Zepecno. Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'elle était en duo avec un mec et en fait elle le détestait. Haïssait. Et nous on l'a ramené pour elle. En mode on a une surprise pour toi. Et il avait une tête de loupard. Cadeau empoisonné. Il avait une tête de loupard. Il est quand même venu avec un bouquet de roses, je crois. Non, oui. Oh putain. Les roses qu'il avait récupérées dans un cimetière la veille. Le salopard, ça se voit qu'il est vraiment pas envie. Non mais ça arrive, bon Bastien. Et du coup là t'es pas prêt de pécho avec cette histoire là. Ça a dû tourner un petit peu. Non, ouais. Si les gens le savent, là, je passe à la radio, donc tout le monde le savent. Ah ouais, Bastien de Nîmes, hein. Non, mais ça va aller. Toute l'agence de Aix-en-Provence de Vérissure qui t'écoute. Oh putain, mais écoute, on embrasse Vérissure les gars, et soyez-en sûrs, on fera appel à vous. Voilà. Pour sécuriser. Enfin, on n'a rien à sécuriser. Non, enfin, on n'a rien. C'est con. Mais Vérissure d'où? D'Aix-en-Provence? D'Aix-en-Provence, ouais. Ah bah écoute, on ira au Mistral, on sortira là-bas ensemble. On connaît un petit peu. Un peu la joie. Ça doit plus être à la mode d'ailleurs. Si, ça tient. On y va encore un petit peu. C'est ouf. Ouais. Ah bah écoute, on embrasse Aix-en-Provence. Les gars, vous, ça vous est arrivé les galères de soirée comme ça? Oui, les soirées pourries. Moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, je passais par la fenêtre pour aller en boîte et je suis tombée en boîte nez à nez avec mon grand frère. C'est pas vrai. La même soirée avec mon grand frère. Oh, c'était le macro de la boîte. Alors, Sylvain, toi, les soirées. Ah, mais un truc de ouf, quand tu vas dans les soirées en couple et que t'arrives, t'es solo. Ah ouais. Tout le monde en train de se galocher, sauf toi. Et toi, t'essayes d'arriver pour t'incruster à ces galères. Ou t'attends la rupture dans la soirée et tu peux chaud là. C'est ce que tu fais, tu poses que la carte de visite. S'il y a un problème un jour, je suis là pour vous. Moi aussi, ça m'est arrivé par une galère en soirée à d'anniversaire. Le DJ, il met allumez le feu, tout ça. Je te jure que c'est vrai, il n'y a pas le feu qui s'est propagé dans le restaurant. C'est pas vrai. Tous les invités, je te jure que c'est vrai. C'était pour mes 20 piges, je te jure. On appelle mes parents maintenant si tu veux. Et à 20 ans, on n'avait même pas ouvert les cadeaux. On arrive et tout, le collègue pour délirer, mais allumer le feu et les 100 personnes, c'était les 20 ans, eh ben dis-toi, on a tous dû évacuer. J'ai même pas ouvert les cadeaux. Ce que dit pas JM, c'est qu'il y a eu 3 minutes entre le allumer le feu et le feu. C'est-à-dire, ils ont dit allumer le feu, 3 minutes après, ça sentait le cramé. C'est l'autre qui me dit pendant, allumer le feu. T'as un mec qui a dit premier degré, putain, il y avait 6 pas dans la salle. Il est fou, les 3 cafés gourmands. Comment puis-je oublier ce coin de paradis, ce petit bout de terre où vit encore mon père? Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle? Oublier qu'on est frères, belle Corrèze charnelle. Oublier ce matin que tu es parisien, que t'as de l'eau dans le vin, que tu es parti loin. Ce n'était pas ma faute, on joue des fausses notes, on se trompe de chemin et on a du chagrin. On se joue tout un drame, on a des vagues à l'âme. Tu as du mal au cœur, tu as peur du bonheur. Acheter des tableaux et des vaches en photo, c'est tout ce que t'as trouvé pour te la rappeler. Vous me trouvez un peu con, n'aimez pas ma chanson, vous me croyez bizarre, un peu patriotard. Le fruit de ma réflexion ne touchera personne. Si vos pas ne résonnent jamais dans ma région, c'est pire qu'une religion, au-delà d'une confession. Je l'aime à en mourir pour le meilleur et pour le pire. Et si je monte au ciel, y aura peut-être Joël, Guillaume et Jérémy et mon cousin Pidry. Johan sera en voyage dans un autre pays. Allez, fais tes bagages, viens rejoindre tes amis. On veut du Claudie Musette à en perdre la tête. On veut un dernier Chabrol, un petit coup de gnoll. Les yeux de nos grands-mères, la voix de nos grands-pères, l'odeur de cette terre, plus sur les monédières. C'est pire qu'un testament, au-delà d'une confidence. On est les petits-enfants de ce joli coin de France. Enterrez-nous vivants, bâillons-nous s'il le faut, mais prenez soin. Je t'aime. Soyez sûr, j'en suis fier. J'ai énergie en cathéter d'être avec vous ce soir. J'ai le cœur qui pétille. Mimi sert nous à boire. On a les yeux qui brillent. Je t'aime. Soyez sûr, j'en suis fier. J'ai énergie en cathéter d'être avec vous ce soir. J'ai le cœur qui pétille. Mimi, sers-nous à boire. On a les yeux qui brillent. Les amis, on va parler des nouvelles techniques de drague tendance sur tous les sites de rencontres. Il y a du très très lourd, les amis. On va faire un gros bisou à mon Bastien là, qui a eu un anniversaire de dingue. C'est quoi, Bastien? Je vais te faire un petit cadeau, oui, pour attraper ça. Ok, mon Bastien? Ah, top. Je bon. Vous embrasse tous, vous êtes au top. Hein. On t'aime, frérot. Merci. Et passe quand tu veux et quand ça va pas, oublie pas que nous on est là pour toi. Ok, Bastien? Oui, je sais. Merci. Allez, allez, bisous. Il y a un petit mot de JM avant de partir. Ouais, tu sais pas ce qu'il va t'envoyer. Il va t'envoyer une GoPro pour la coloscopie. Et tu nous fais des images. Hein. Allez, on t'embrasse, Bastien. Merci. Merci vraiment d'être passé. Les amis, on va voir toutes ces techniques complètement folles, tendances, hein, vraiment sur les sites de rencontres. Et je sais qu'on le fait tous inconsciemment, sauf que là, on a réussi à mettre des mots sur tout ce qu'on fait. Donc, les amis, on va pouvoir le dire et en parler tous ensemble. Ça va être énorme. Et puis, Quentin va tenter de retrouver sa meuf. Mais là, c'est le canui, c'est le Rico Adi. Arrêtez tout. Écoutez, tout le monde est en danger. C'est le canuit, le canular de la nuit sur Énergie. Eh oui, c'est le Rico Adi et vous l'adorez, évidemment. On a Anaïs qui est là et qui va piéger son papa Dan. Et vous allez voir que justement, elle doit répéter tout ce que je lui dis. Et c'est jamais évident puisqu'on crée une histoire au fur et à mesure, on est au courant de rien. Et là, vous allez voir qu'elle est infirmière et qu'elle est bloquée avec un papy. Et ça va pas du tout, elle a besoin de son père, n'est-ce pas Anaïs? Eh oui. Ça va, ma poulette? Salut. Ça va, ça va. Écoute, on croise les doigts avec toi, on est à fond, on va piéger ton père, gros caractère. Je sais qu'il est agent de sécu, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Voilà. Ah, Anaïs, je vais avoir besoin de toi. On a deux téléphones, un dans lequel tu entends tout ce que je te dis et tu dois tout répéter. Est-ce qu'on est d'accord, Anaïs? On est d'accord, ça marche. Allez, c'est parti, la PS4 en jeu, on y va. Donc tranquille, un peu affolé. Papa, papa, papa, je peux te parler? Ouais. Ouais, papa, c'est moi. Je peux te parler, ouais. Là, t'es tout seul? Oui. T'es sûr que t'es tout seul? Oui, t'es sûr? Mais t'es sûr, vraiment, il n'y a personne autour, rien? Je te dis oui. Sûr, sûr, sûr? Sûr, sûr, sûr? Oui, c'est sûr. Qu'est-ce que... Allez, dépêche-toi. Mais vraiment. J'ai un truc important à te dire. Là, oui. C'est important, faut que je te parle, mais faut que tu sois tout seul. Enfin, je préfère pas qu'il y ait quelqu'un qui entende, quoi. Oui, non, mais c'est bon. Bon, c'est bon. Je te fais confiance, hein. Je te fais confiance, pas. Oui. Bon, je suis chez un vieux, j'ai un problème. Que je suis chez un vieux, tu sais, chez qui je travaille, là. Je devais aller pour un repas, et là, j'ai un petit souci. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça dégénère. Bah, c'est en train de dégénérer, le vieux, il est un peu chelou, enfin... J'avais besoin d'oseille, du coup, de temps en temps, je le massais où tu penses. C'est pas trop quoi? Parce que, de temps en temps, je le massais là où tu penses, quoi. Ouais, parce que j'avais besoin d'oseille. parce que j'avais besoin de sous, donc j'ai fait ce qu'il m'a demandé. Et c'était un petit massage pour un billet de 50 euros supplémentaire. C'était un massage pour un billet de 50 euros, enfin voilà quoi. Et là, aujourd'hui, je veux plus le masser parce que c'est un gros dégueulasse. Et là, je veux plus parce que ça m'intéresse plus. C'est un gros dégueulasse, il essaye de me toucher en plus. Je veux pas, il veut essayer de me toucher, ça m'intéresse pas, enfin vraiment... Je panique un peu là. Laisse-le parler. Bah, tu prends tes affaires et tu te casses. Ouais, mais il veut plus me laisser sortir. Mais il veut pas me laisser sortir. Là, j'ai réussi à. Je sais pas, c'est lui qui est venu me chercher. Que j'allais dans la cuisine. Bah, je sais pas, c'est lui qui est venu me chercher vu que c'était un peu paumé. C'était un peu paumé dans le bois. T'en as pas marre des conneries là ? Mais non, mais papa, réagis pas comme ça. Tu es où ? Mais je sais pas, il est venu me chercher. Je t'ai dit, c'est des fois, c'est un peu paumé. Je suis obligée de les appeler pour qu'ils viennent me chercher. Je fais comment pour venir chercher ? Eh ben, je sais pas, je sais pas où c'est. Tu crois que je dois lui faire une caresse pour partir ? Tu crois que je dois lui faire une caresse pour partir ? Je fais quoi ? T'es vraiment de la conscience, toi ! Tu fais rien du tout ! Tu lui mets une grande part dans sa gueule et tu te casses ! Ça peut-être le calmer, je sais pas, je vais peut-être le masser. Non mais t'en as pas marre des conneries, toi ? Tu sais très bien ce que je pense de ce genre de conneries, là ! Bah ouais, je sais, mais bon... Là, par rapport au fait, je me suis dit que ça... Elle est où, ta voiture ? Ma voiture ? Bah elle est devant chez lui. Alors, tu montes dans ta bagnole, tu dis que t'as oublié tes papiers ou ton téléphone ou quoi que ce soit, et tu as vite fait. Il m'a enfermé. Vous avez réfléchi ? Je vais te faire réfléchir, moi, tu vas voir. Laisse-la vite de partir, parce que si je t'attrape, moi, ça va te faire drôle. Madame ? Tu me donnes son adresse ? Alors, je n'ai pas l'adresse, je t'ai dit. Vous massez ou pas ? Je vais te masser ta sœur, moi, je vais te masser, tu vas voir. Tu vas voir ce que je vais te masser, moi, quand je vais t'attraper, ça va te faire drôle. Pas massage, pas sortie. Pas sortie, attends. De toute façon, tu vas la laisser sortir, parce que quand je vais revenir après, ça va te faire drôle, parce que moi, je vais te trouver. Comment ça s'énerve ? Vous parlez avec qui, madame ? Qui est au téléphone ? Rien, personne. Alors, vous me les touchez ou pas ? J'appelle les flics avec ton numéro de téléphone, ils vont te trouver, t'inquiète. Monsieur. Là, on va s'amuser différemment. Monsieur, vous êtes en direct sur Énergie, vous avez été piégé par votre fille ! Sur Énergie. Bon, ça va, monsieur, c'est une vanne. Grâce à vous, il remporte une PS4 ! Pour la mettre sous le sapin, la dernière PlayStation, dernier cri, elle va kiffer grâce à son papa d'amour. Moi je dis oui, bravo monsieur. Hey, je suis désolée mon papa, je sais que c'est pas drôle mais... Ouais, je vais te la faire gagner, tu vas en faire 4 de PlayStation. Oh non. Bravo pour elle et pour Noël, bravo. Merci. Ça donne un appétit pour le pervers. Vous savez, celui qui veut se faire castrer ses bouboules, vous l'adorez, il est de retour. JM sera là ce soir, enfin pas le nôtre. Ah ouais, j'ai eu peur. Le pervers. Et puis on parle des nouvelles techniques de drague, hyper tendance. Je vais vous parler du phishing. Alors en fait, c'est des mots sur ce que tout le monde fait. En ce moment sur les sites, il y a 4 énormes techniques. Franchement, le phishing, on le fait tous. On le fait tous, le phishing, faut arrêter. Puesta pa' mí, haciendo que me odien más, porque todos te quieren probar. Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera, y todos te quieren probar. Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar. Dile que tú eres mía. Está mi respirar, contigo veo todo como en espiral. Quiero tirarnos foto y que se hagan mirar. Tus ojos me concentran como Adelal. Contigo me sube el overall. Te toco y hasta el mundo deja de guiar. Ahora nosotros ni la muerte nos va a separar. Bebé, yo soy tuyo nada más. Dile que conmigo te vas. Que dejen de tirarte. Que a ti nadie va a tocar. Dile que tú eres mía. Que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía, tú misma lo decías, cuando yo te lo decía. Yo soy tu Romeo pero no santo, a tu bobo con la for y lo espanto. Muchas me quieren desde que yo canto, pero yo soy tuyo nada más. Yo soy tu Romeo pero no santo, a tu bobo con la énorme, le canular, me dit mon David, hashtag Ricocho sur énergie. J'ai hâte d'avoir notre pervers JM qui sera là autour de 22h30. Ça va être fou. Quentin aussi, dans 5 minutes, on va tenter de le réconcilier avec sa nana. Mais là, il faut que je vous parle des sites de rencontres et des nouvelles tendances. C'est fou, on fait tous du phishing. 20h, 23h, venez vous enjailler avec Imrit Bonnery. Le Ricocho, du lundi au vendredi. Sur énergie. Eh oui, les amis, on se mettra aussi au fun back. Let up bitches et Big Flo et Oli. Tu comprendras plus tard. Enfin, on met des mots sur ce que l'on fait tous sur les sites de rencontres. Ça y est, Sylvain. Mais le tu me parlais du phishing. Ouais, le phishing là. C'est pas la drague du thon quoi, non. Non, non, non. Je sais pas, moi, attends. Ça, c'est celle de 5h du mat. Ah, d'accord, ok. Non, je te parle c'est pas le de. Le tuning, ça. De, ouais. Le super thème. C'est génial. Et là, c'est un adepte. Hein. De toute façon, le thon, il fait que le voler. Hein. Du Franprix à la nana. Ça vole du thon, hein, puisque si vous rejoignez l'émission, vous êtes de plus en plus nombreux. Sylvain, vous volez des boîtes de thon. Il s'est fait serrer il y a 2 semaines. C'est pas une vanne. Hein. C'est pour vous dire qu'on n'a pas un rond. Pour qu'un gars d'une équipe de radio vole des boîtes de thon, les gars. C'est normal. C'est pour vous dire que, bon, parce que des fois, certains pensent que comme tu fais de la radio, il y a un peu d'oseille. Demandez à Sylvain. Je vais mettre un gilet vert, hein, bien sûr. John. John. Oh, il le voit vert, ce con. Mais comment il peut le voir vert? Ils sont partout. H24 à la télé, on les voit partout. Depuis 3 semaines. Ouais, putain, je suis avec vous, je le mets de temps en temps aussi, putain. Ah, je suis daltonien. Oh là là, oh purée, tu mérites de le porter pendant plusieurs jours. Là. Le phishing, les amis, en fait, c'est une nouvelle technique de drague 2.0 qu'on fait tous c'est quand on a très faim, qui consiste à envoyer le même message à plusieurs personnes que vous matchez sur les applications. Donc vous faites du copier-coller et puis vous voyez ce qui tombe. Bam, bam, bam. Ouais, et tu sais qu'un mec un jour avait fait ça, sauf que le mec dit salut Chloé, j'espère que tu vas bien, bisous. Ah ouais. Je m'appelle Sarah en fait. Ouais, c'est vrai. Il a oublié d'enlever le blaze, il est bête. Ouais, bah, il a peut-être pensé à Chloé Kardashian, t'es tellement belle. Oh, merci. Oh. Ah mais non, mais c'est la plus chum, je crois, Chloé. C'est pour ça qu'il dit ça. C'est ça qu'on montre jamais. Quand tu dis Chloé Kardashian, la chum, ouais. C'est, bon, elle est jolie, hein. Je peux te dire que Sylvain, il irait. Hein. Ouais, je vais à tout droit. Lui, il va même avec le père, celui qui est devenu femme. Ah oui, des fois il fait du making. Constite un peu chaud du mec, hein. Donc c'est pour vous dire. Non mais c'est vrai, le phishing, Sylvain, je sais que t'es adepte. Ah ben c'est la technique du chalutier quoi. Ouais. Ah ben c'est ça. Ouais, c'est ça. Tu t'envoies. Ouais. Et t'attends que la pêche est bonne quoi. Ouais, c'est fou hein. Moi je me rappelle, j'étais sur à l'époque quand j'avais 18 ans, je venais de débarquer là dans ce délire parisien et je voulais rencontrer des nanas. Ouais. Et ce que je faisais, c'est qu'avant les sites gratos, je parle pas ceux dont tu payes. Bah t'as quoi? T'as 3 nanas pour 300 lascars. Ah bah ça. Ouais. Donc moi ce que je faisais, c'est que je copiais-collais à toutes les nanas. Salut, ça va? Je t'ai trouvé mignonne, machin. Ou tu sais, je trouvais une approche un peu chelou. Et puis pam pam, copier-coller, je voyais celle qui répondait. Le problème, c'est quand on ouvre le chat à 4h du mat, bah les portes, même si tu t'es un peu trompé, tu les laisses grandes ouvertes. Ah tu t'engouffes hein. Ah bah tu t'engouffes hein. C'est-à-dire qu'au début t'as un petit peu une restriction au niveau des meufs qui te répondent. Mais si tu t'envoies à tout le monde, tu dis bon, je trierai. Arriver 4h du mat, c'est le saloon. Hein. C'est une baie vitrée, je peux te dire. C'est une baie vitrée. Et je me rappelle, j'avais 18 ans, je suis arrivé chez une prof d'histoire géo. Je vais dire qu'il y avait la goutte là, elle pleurait quand elle est arrivée chez elle. Elle m'avait fait un croque-monsieur qui grillait derrière. J'avais la dalle, le croque, il était en train de prendre feu dans le four. J'ai fait une fois le phishing. Hein. Bah, depuis, je vais pêcher en vrai. Ah ouais, c'est terrible. Est-ce que t'as croqué madame? Ah bah non. Je me rappelle, je lui ai dit. Écoute, la nuit est tombée. Mon frère est décédé la nuit. Oh, non mais j'étais parti super loin. Non, j'ai regretté tout de suite. Non, tout de suite. Le phishing à bannir, tout de suite. Quelle horreur. Mais pourtant avant il n'y avait pas de filtre en plus. Ouais. Bah écoute. Qu'est-ce qui t'a pris? J'ai une fin de loup. Une fin soudaine. Tu sais quand t'as 18 ans, t'as les premiers émois, ça chatouille. Hein. Ouais. Au contraire, à 18 ans t'es comme un ouf. Ah bah c'est ce que je dis. Qu'est-ce que t'as pas compris? Je rentre pas moi. Hein? Je continue. Hein. Ah ouais. Ah mais je m'en fous. Toi tu fais l'œuf sur le croque-malade. Allez, les amis, on va parler toutes les techniques. Kevin a fait du phishing, je vais vous parler du musting. On s'est bien marré sur le phishing. Ouais. Attendez de voir le musting. Le musting, j'ai très peur. Le musting, ça a eu sortir avec Momo l'épicier. C'est une vanne. Momo que j'embrasse, hein. On va chez lui très souvent. Oui. Et Malik est le premier à faire des VTC avec lui. Ouais. Bisous, mon Momo. Au fun back. Curtains are turning ugly into Neverland. Yeah, shots when you take the shots as if you're bulletproof. You mention something about a roof or two. Oh honey, I do everything for you. Everything for you. You give me butterflies. You feel like paradise. Nouvelle technique de drague, tendance, on a parlé du phishing, hein. Il s'agit de copier-coller le message à toutes les nanas ou tous les mecs et puis de voir ce que vous ramassez, on l'a compris, vrai. Maintenant c'est le mosting et Cindy elle en a été un petit peu victime, hein, avec bon, on en parle avec le sourire, hein. Mais le mosting évidemment c'est quand vous faites croire à une nana ou un mec que c'est la 8ème merveille du monde, que vous allez l'épouser, que vous allez vous marier, que vous allez vous fiancer et puis une fois que vous avez fait l'amour, les sentiments sont partis avec l'éjaculation, donc terminé, rideau, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien à voir. En français ça s'appelle la drague. Oh non, tu c'est pas beau. Tu fais croire des trucs. C'est pas beau. C'est pas beau, c'est vrai. Pourquoi tu... Moi, mon mec m'a pas dragué comme ça en tout cas. Il a pas ta notion de la drague. Ah, il a commencé par lui dire je ferai rien de toi. c'est vrai. Il était lucide. Il m'a dit je n'attends rien de toi. Ah bah vraiment. Écoute, il avait bien raison. Voilà un homme lucide. Ouais. Il attend toujours rien, ça. Hein. Toujours, je veux dire, toujours. Il est dans le lit, il est calme. Hein. Non, il est parti chez Chanel. Ouais. Il a acheté 3 sacs qu'il lui a offert. Pas du tout. Il a commencé comme ça, je pense. Mais qu'est-ce que t'insinues, toi? Ah bah écoute. Tu es musto. Pas du tout. Pas du tout. Je suis très indépendante. Cindy a fait le 0870 42 48 et du coup elle a été victime de mosting. C'est vrai ça ma Cindy? Ça va ma poulette? Salut Rico, salut l'équipe. Salut ma Cindy. Raconte-moi un petit peu ce qui s'est passé Cindy. Ben, en fait j'ai rencontré du coup un gars sur, sur Tinder. D'accord. Ou, je sais plus, bref. Ouais. Toi t'es en phishing des applications. J'ai collé toutes. C'est ça, j'avais tout fait, c'est une horreur. T'as raison. Mais t'as vu comment il s'est étouffé Cindy sur le fait que t'es plusieurs d'applications, t'as lui, hey, il est bon public. Hein. Hey, bon, Cindy. Écoutez, ouais, dis-moi. Y a pas que les mecs hein, qui se peuvent vouloir plein de. Bien sûr, t'as bien raison. Et puis je peux te dire qu'ils sont tellement rares les bons mecs qu'il faut les chercher. Hein. Il faut multiplier les appels. Alors raconte-moi Cindy. Bah du coup en fait on s'est rencontrés sur bref sur une appli et on a commencé à discuter et tout, on s'est vu une première fois. Moi sachant que je partais pour le boulot pendant 2 mois en Corse, on a dit on garde contact ou pas, on verra en fonction de ce qui se passe, bref. Ouais. Le gars il devait être en chien à mort, il a tenu le coup pendant 2 mois, il m'écrivait quasiment tous les jours. Wow. Ah, c'est bien. Mais je te jure, non mais sérieux, il devait être en chien, c'est pas possible. Ah oui, t'étais la seule qui avait mordu là. T'étais la seule qui était sûrement, sur le dos, je crois. Et du coup. Sûrement, j'en sais rien. Et du coup. Du coup quand je suis rentrée, on s'est revu une fois, deux fois, dans resto, bar, bref. Et une fois, il est venu chez moi, et c'est ça ce qui s'est passé, on a couché ensemble. Ah ouais. Il est parti étant militaire, il est parti en entraînement terrain. Oh là là. Ouais. Ah, on la connaît ça. Ouais. Déjà, moi qui viens d'une famille militaire, Cindy. Moi qui viens d'une famille militaire. Déjà, le militaire est dur à contenir. Hein, qu'est-ce qu'il y a, Cindy? Tu vois ce que c'est un entraînement terrain? Tu pars pas non plus 15 000 ans. C'est pas une OPEX. Ouais, bien sûr. Voilà, elle connaît. Ah oui, elle connaît. Oh là là. Elle connaît le militaire. Ah, elle s'est renseignée. Elle t'a fait dans le gradé, Cindy? Elle a fait du militaring. Elle a joué du fusil. Oh, calmez-vous. Mon premier militaire, mais je monte dans les grades à chaque fois. Ah ouais, d'accord. Eh ben, la prochaine fois, quand tu vois ce type de mec, tu camoufles. Fois, c'est Macron, c'est ça. Ah oui, Macron, ouais, il aurait bien besoin. Hein. Tu vas avec un gilet jaune avec Macron, il va adorer. Qui te voit bien arriver. Et du coup, plus de nouvelles après derrière, il s'est barré. Bah, d'un coup, bloqué de partout. Plus rien. Oh là bloqué. Là, bloqué de partout. Alors, ah ouais. En bloqué, général, c'est les mecs qui ont des nanas, ça aussi, à côté. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Qui d'un coup se sont fait cramer et qui te bloquent de partout. Non. Il y en a qui sont comme ça. C'est des mecs qui ont pas de face parce qu'ils ont promis mille et une choses à une nana et ils veulent plus avoir contact avec la nana parce que c'est rideau. C'est rideau. Sylvain. C'est la technique Roméo et Juliette, tu vois. Ouais. Tu fais quoi? Le monde, c'est merveille. Non, mais c'est vrai. Ouais, ouais. tu lui fais croire, genre, on va se marier, on va se fiancer et tout, on va te faire un gosse. Ouais. Et à la fin, le mec, il a fait son petit truc, il se barre, quoi. Mais pourquoi ? Pourquoi tout ça pour faire l'amour à une nana ? C'est nul. Ah bah, il y en a qui ont besoin, que c'est leur technique à eux, parce que ça rassure. Ils sont sûrs avec cette emprise-là. Ils se disent, la nana qui veut pas faire l'amour tout de suite, comme elle voit qu'il y a beaucoup de sentiments, elle a l'impression que ce gars-là ne va pas juste faire l'amour avec. Et ce qui est con, c'est qu'il se dirige vers des nanas qui veulent pas des plans cul. Il y en a quelques-unes quand même qui veulent des plans cul. Oui. Si Cindy veut un truc sérieux, autant lui dire tout de suite, tu vois ce que je veux dire ? Non ? Ah, tu sais jamais comment tu commences. Non, mais c'est vrai, ça commence toujours par le physique. Ouais. Tu sais pas si ça va aboutir à quelque chose. Sylvain, l'avocat du militaire. Non, mais c'est vrai. Non, mais de base, sur les sites de rencontres, c'est comme ça que tu juges. Tu dis d'abord sur le physique, on va pas se le cacher. Ouais, bien sûr. Quelqu'un qui a pas de photo ou qui a une tête de con sur ses photos, tu vas pas le contacter. Ouais, c'est sûr. C'est pour ça que Sylvain a beaucoup de mal. On est d'accord. Eh, Cindy, moi je te dis, t'es tombé sur un con. Ça s'appelle le mosting. Voilà. Ouais. Elle en a été victime. Ouais. On va te faire un petit cadeau, ma Cindy. Plein de bisous, on t'embrasse. Ok. Allez. Merci. Salut Nico. Ciao. Merci, on t'aime fort, ma Cindy. Courage, courage. L'orbiting aussi, les amis. Arrête, l'orbiting. Ça, oh. Vas-y. Oh. C'est quoi ça ? Mettre en orbite sur sa queue. L'orbiting. Non, c'est pas ça. C'est le fait d'ajouter sa conquête sur tous les réseaux sociaux dès le premier contact. Ouais. Après s'être vu une seule fois, puis deux. L'homme ou la femme arrête de répondre aux textos et appelle tout en continuant à regarder ses stories Snapchat. C'est-à-dire que la meuf, elle vous donne plus de signaux, mais elle continue à vous regarder sur tous les réseaux, à vous épier. Technique très très chelou. On en parle, les amis, et puis il y aura le love bombing. Voilà. Oh ah ouais, pour terminer, et surtout Quentin est là, ça y est, dans une minute, il va appeler sa chérie pour savoir si elle veut de lui. À votre avis, Quentin, oui ou non, on en parle. Let her beach it sur NRJ. Le love bombing, bombardement d'amour. C'est fort ça. Oh là là, je peux te dire que Sylvain a dû en envoyer du boulet. On est là jusqu'à 23h. This is complete and total bullshit. If I show you my tits, will you let me in? Can you just take another drink with me? Thanks. Later, bitches. Bitches. avec vous les amis jusqu'à 23h. Quentin est là, il va retrouver sa femme, on espère en tout cas. Ouais. Histoire complètement ouf, il va nous dire ça dans 2 minutes. Mais pour finir sur les nouvelles tendances, il y a l'orbiting, donc je vous en ai parlé, c'est le fait d'ajouter sa conquête sur tous les réseaux alors que vous lui parlez plus. Ouais. Hein, et puis vous êtes là en train de l'épier sur les Snapchat, ça c'est angoissant franchement. Bizarre, fois 1000, c'est bizarre, mais ça existe de plus en plus. Non mais c'est pas une vanne. Sylvain. Non, c'est la technique petit joueur quoi. Ouais. Tu vas pas jusqu'au bout du truc. Ouais, petit joueur, ouais, c'est chelou. Non mais t'as des meufs aussi comme ça avec qui tu discutes. Ouais. En fait, elle t'a ajouté sur tous les réseaux. D'un coup, t'as plus de contact. Et puis la meuf, elle regarde quand même toutes tes stories, toutes tes snaps. Et elle te regarde, elle t'épie alors qu'elle ne veut pas t'en. On sait jamais si à un moment donné, il y a un petit truc. Si tu sors avec une meuf plus fraîche qu'elle, tu pourras à nouveau l'intéresser. Non, tu es en test. En fait, vous êtes en test. Elle voit si vous êtes un mec sérieux, etc. Mais t'as cru que j'étais un test d'anglais ou quoi? Sérieux, ouais. Toi, t'as un crash test, toi. Franchement, ça rime à rien. Ah ouais, oh là là, arrêtez avec ça. Tu kiffes pas. Il y a le love bombing. Alors, c'est un bombardement d'amour. C'est une technique de drague aussi bien pratiquée par les hommes que par les femmes. Le but est d'exprimer avec beaucoup, beaucoup d'excès une attirance et une affection pour une personne dès les premiers échanges sur une application ou sur un site de rencontre. En gros, t'es comme un dingue. Tu kiffes, tu kiffes, tu kiffes, tu kiffes, tu kiffes. Mais ça fait peur. C'est une technique de psychopathe, ça, de tout avouer dès le début. C'est horrible. Et surtout, dès qu'elle est à fond, la proie, hein, c'est le but du love bombing, vous changez littéralement d'attitude. Distance, froideur, voire même ignorance et humiliation. Ah ouais. Quel est le but ? Le but, c'est de te rendre accro, te dire que t'es comme un ouf dessus, et puis d'un coup vous laissez un vide terrible, hein, que ce soit les hommes ou les femmes, hein, quand je dis vous, et puis dans ce cas-là vous créez un vide, et du coup vous avez l'impression que vous pouvez pas vous séparer de cette personne. Attends, c'est de la manipulation pure et dure. Bah oui, faut être malin, intelligent pour faire ça, c'est pas possible. Ouais. C'est pas donné à tout le monde, excuse-moi. Bah tu sais, du dire écoute, t'es tout pour moi, je te kiffe, je pense à toi 1000 fois par jour, et puis une fois que tu sens que la personne a bien croqué, arrêté, excuse-moi, y a pas besoin d'être un génie du mal, hein. Bah ouais. Si, on gobe pas tout, les nanas, je suis désolée. Les mots, faut être psychologue un petit peu, excuse-moi. Ouais, c'est vrai. Oui. Mais attends, les mecs aussi, des fois ils gobent tout. Des fois t'es un petit peu en détresse, tu crois que c'est le bon, et puis à travers les photos, tu te laisses avoir. Ouais. T'as pas de cœur, ouais, toi. Ouais, je suis sceptique. Moi j'en ai une de technique. Ouais. C'est la technique Boeing. Ah oui. Tu la connais celle-là? Non. Bah c'est la technique gros lourdeau, quoi. D'accord. Ah ouais, le 747, t'arrives sans sommation. Il n'y a pas de petit déj, il n'y a pas de déjeuner, il n'y a pas de dîner, et ça se fait raquer. Voilà. Allez les amis, on passe à Y'a que l'amour qui compte. Vous le savez, cette séquence est là pour vous permettre de retrouver vos proches. C'est toujours un moment particulier. Puis JM, notre pervers, hein, pas celui qui est avec nous. Là. Jean-Marc, notre pervers, sera là. Vous l'adorez, il souhaite castrer ses bouboules. Un changement d'ambiance, un changement de délire. C'est pas moi. Non, non. C'est pas JM. On retrouve Quentin qui est là. Ça va mon Quentin? Ouais, salut Rico, ça va, ouais, merci. Salut mon poulet. Salut. Quentin, t'es avec nous, t'étais là déjà hier. On a pris rendez-vous avec ta nana à 22h30 hier. Ouais. Finalement, elle voulait plus répondre. Explique-nous, pour ceux qui n'étaient pas là hier, pourquoi tu souhaites la retrouver. Raconte-nous l'histoire, Quentin. Bah en fait, du coup, avec mon ex, on a vécu 3 ans ensemble. On s'aimait de fou, quoi, et on avait même prévu de se marier, on était fiancés. Ouais. Un soir, une soirée entre potes, bien arrosée, j'ai commis la faute, j'ai embrassé une nana. Ouais, bah, il n'a pas couché avec. Non, j'ai pas couché avec, j'ai juste embrassé. Et pris de remords, évidemment, j'ai tout avoué à ma compagne, et parce que bon, pour moi c'était important, et elle a mal pris, et on a tout annulé, mariage, fiançailles et tout, et... Elle a pas pu pardonner et elle m'a quitté, voilà. Et alors puis, si on peut situer, ça a démarré en 2012, ça s'est fini en 2015. Ils étaient fiancés, mariage annulé, 2015 vous vous séparez. Et elle, de son côté, Quentin, elle refait sa vie. Voilà. Elle a du coup 2 enfants. Et toi, il t'arrive un accident, raconte-nous Quentin. Ouais, c'est ça, il y a quelques mois je fais un AVC. Bon, sans séquelles, tout va bien et tout, je me suis bien remis. Ouais, la peur. Mais après cet AVC, c'est vrai que je me suis remis en question, je me suis posé plein de questions et je me suis rendu compte que c'était tout simplement la femme de ma vie, que je pouvais pas me passer d'elle et que c'était avec elle que je voulais faire ma vie. Et voilà, du coup, je vous ai appelé pour essayer de la reconquérir parce que je peux pas me passer d'elle, quoi, et je veux tout faire pour la récupérer. Bien sûr mon Quentin, c'est fort. Alors, moi je te l'ai dit, tu le sais, c'était la bonne nouvelle hier soir. Mauvaise pour elle, bien sûr, on peut pas souhaiter qu'une famille explose comme ça. Mmh. Mais elle, effectivement, elle avait retrouvé quelqu'un, elle a fait deux beaux enfants, mais elle n'est plus avec. Elle n'est plus avec durant ces 4 ans où vous étiez plus ensemble. Ça allait très vite de son côté, à croire un peu qu'elle a fait cette famille rapidement de la déception qu'elle a eue avec toi parce qu'elle voulait se faire ce modèle-là. Quoi. Ah, c'est sûr, ça c'est sûr, hein, une sorte de pansement. Ouais. Et aujourd'hui, toi, tu veux la retrouver, lui dire que tu l'aimes, et elle est là et elle est disponible. En gros, c'est pas mal ça déjà, franchement. Ah ouais, c'est un beau pas si elle est là. Ouais, c'est déjà une bonne chose, oui. Ouais, ouais. Non, mais après, elle sait pas que toi, voilà, t'as eu un grave accident pour l'AVC, etc. Ouais, ouais, parce que. Ah, elle sait pas. Non, elle sait pas du tout. Après, je veux vraiment pas, voilà, je veux pas que m'apitoyer là-dessus, je veux pas l'apitoyer avec ouais, ça. Je veux juste lui faire comprendre que cet accident m'a fait moi prendre conscience que c'était elle et personne d'autre. La vie est courte et faut la finir avec quelqu'un qu'on aime vraiment. C'est ça. Voilà, c'est ça, ouais. Mm. Bien sûr. Écoute, Quentin, voilà, on le sait, on va essayer de la convaincre. On l'a retrouvée. Ouais. Elle pense participer à une émission de radio. Mm. Voilà, elle est pas au courant du tout. Mais en tout cas, elle est disponible. On va l'appeler et on va voir évidemment si elle souhaite te reparler dans un premier temps et si elle est ok pour te revoir. Ça doit être dur parce que quand t'as eu un échec avec toi. Entre guillemets, en la trompant. Derrière, elle a eu un deuxième échec avec une personne qui a fait un peu tampon en remplacement. C'est pas évident. Non. Tu bouges pas, mon Quentin. Je vais l'appeler. On va l'appeler, les amis. Ça va être c'est un grand moment. Ah ouais, j'ai peur. C'est un grand moment dans le Rico Show parce que bon, il a fauté, il a fait un bisou, il a avoué et derrière, il a quand même échappé à la mort, quoi. Ouais. Donc il s'est rendu compte que c'était elle pour la vie. Et là, c'est qui tout double, quoi. Ouais. Parce que on sait jamais. Ah ben ça se trouve, elle va lui en vouloir comme jamais, AVC ou pas. Elle va lui dire, écoute, nous, c'était pour la vie. Je sais qu'on était fait pour être ensemble. C'est ça. Mais derrière, j'ai raté la mienne un peu à cause de notre couple. C'est ça. Parce que je me suis mis un voile et j'ai fait un déni, quoi. Mmh. Donc ça peut être chaud. Ça peut être chaud. Dites-moi ce que vous en pensez, tiens, hashtag Rico sur énergie. Je vais lire tous les messages à Quentin avant d'appeler Alexandra. Je vais l'appeler en direct, c'est très fort. Et puis RICO énergie sur Snap, RICO énergie. Je lis tous vos messages, on va en parler ensemble. Et puis je l'appellerai, vous me donnerez les meilleurs moyens pour l'appeler. Ok, les amis, on se fait une toute petite pub là, 3 minutes. Et puis j'appelle Alexandra, son ex-compagne. Énergie. Les plus gros hits à la maison. Les plus gros hits en voiture. Les plus gros hits au travail. Énergie, Hit Music Only. Vous allez gagner 10 000 euros de cadeaux par jour sur Énergie grâce à Cdiscount. C'est maintenant 6-9, soyez les bienvenus, on va bien démarrer la journée. La semaine prochaine, écoutez Manu dans 6-9 dès 6h sur Énergie. Vous voulez des dizaines de cadeaux pour Noël? Manu et Cdiscount vous les offriront. Oh là là là là! 10 000 euros de cadeaux par jour à gagner la semaine prochaine avec Manu et Cdiscount. Énergie. My circuits are blown. I feel so alive. My life just blew up. I'd give it all up. I'll depressurize. Ah, 10,000 miles left on the road. Sur Énergie de 20h à 23h. Eh oui, et on est dans le Y'a que l'amour qui compte. Bienvenue si vous nous rejoignez, vous avez tort. Il s'est passé plein de choses les amis, ouais. Mais là Quentin souhaite retrouver sa meuf. Ils étaient ensemble de 2012 à 2015. Ils se sont séparés, il a fait un petit bisou en soirée alors qu'ils étaient fiancés, du coup mariage annulé. Et ce qui s'est passé après, eh bien elle a refait sa vie de son côté. Elle a eu des gamins et son union s'est arrêtée là. Ça y est, ouais. Il l'a appris Quentin. C'est pour ça qu'il souhaite gentiment lui reparler. C'est classe au moins, oui, ouais, grave. Bien sûr, il faut le dire. Mais il a fait un AVC surtout. Et il a pris conscience que la mort est passée tout près et que c'est avec elle qu'il veut finir sa vie. J'appelle Alexandra, les amis, dans une minute. On aura aussi Jean-Marc le pervers, les amis, qui veut se faire castrer. Hein, littéralement, mais c'est pas une vanne. Hein. Si vous nous rejoignez, vous êtes de plus en plus nombreux. C'est le retour de Jean-Marc ce soir. Bref, que des kiffs et puis des cadeaux. Donc ajoutez-moi bien sur Rico NRJ et puis vous venez au standard 0870 42 48. Quentin, je sais que t'es pas bien là. Imagine que je suis en stress là, je suis pas bien. C'est normal mon Quentin. Alors il y a beaucoup de messages pour toi. J'espère que ça ira pour lui, nous dit David. Très touchante cette histoire, nous dit Babouchka. Je souhaite qu'on réussisse. Je crains qu'elle refuse de lui parler, nous dit Elisabeth. Il y a beaucoup de messages aussi. On lui dit bonjour Rico, c'est Dina 2510 sur le Snap. Il dit pour réagir à Quentin, il faut pas qu'il se fasse de soucis. Les âmes sœurs sont toujours faites pour se retrouver. Qu'importe les étapes que la vie met en travers de leur chemin. N'hésitez pas à envoyer Rico énergie sur Snap. Et puis Noah dit il mérite franchement qu'il retrouve quelqu'un. Il a fait une erreur mais je pense qu'elle peut lui pardonner, dit Gasta. Noah, ouais, on va voir. Ah, c'est chaud hein, c'est... Ah, ouais. Tout le monde est avec toi Quentin, ouais. Mais on te comprend, ouais, aussi, putain, ce bisou de merde là que tu m'as fait en 2015 avant de se fiancer en plus. C'est pour ça, je pense que c'est ça qui l'a blessé, qui l'a tué là, ouais. Vraiment, ouais, j'imagine, Sylvain. Mais un bisou, c'est pas trompé pour moi. Ouais. Un petit bisou, c'est non, quoi? Non, mais arrête, ouais. Sylvain, bien sûr que c'est trompé. Un bisou, surtout avant un mariage, excuse-moi. Bah oui, quand t'es fiancé, puis il devait avoir un niveau d'amour et de confiance dans leur couple, mais qui fait que c'était un truc qu'elle devait même pas imaginer, bien sa nana. Sûr. Elle est tombée des nues, j'imagine que c'est ça, mon Quentin. Ouais, exactement, ouais, c'est ça, mais. Pour elle, oui, bien sûr, embrasser, c'est déjà tromper, évidemment, ouais. Moi aussi. T'as des coupes, et c'est normal. Ouais, oui. Je comprends, c'est normal. Attends, t'embrasses pas, t'es fou, quoi. T'es en couple. Hein. Attends, toi, t'es dans un monde, mon frère. Mais ça n'a rien à voir, le kiss French. Le kiss French. Déjà, me l'a à l'endroit, gros. Ouais, le French kiss, ouais. Non, mais après cette histoire, on va quand même arriver à une conclusion évidente. Quentin, faut jamais avouer, toujours nier. Règle d'or. Tout à fait, j'aime. Règle d'or. Tout Gardez. Se sait. Hey, règle d'or, vous êtes deux connards. Et ça, c'est entériné. Bon, Quentin, ok, je vais appeler Alex et je vais lui demander, ok? Ouais, merci Rico. Allez, on y va. Big Flo et Oli, et je le fais. Big Flo et Oli. Tu connais, non? Quand j'étais petit, je pensais qu'en louchant trop, je pouvais me bloquer les yeux. Que les cils sur mes joues avaient le pouvoir d'exaucer les vœux. Quand j'étais petit, je pensais que les adultes disaient toujours vrai. Et la nuit, dans la voiture, je pensais que la lune me suivait. Mais depuis, qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Les questions que je me pose. Qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. On me disait, tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Quand j'étais petit, j'entendais un monstre qui vivait sous ma maison. Je pensais mourir dans la lave si je marchais pas sur le passage piéton. Qu'à l'époque, des photos en noir et blanc, les gens vivaient sans couleur. J'étais sûr qu'un bisou de ma mère pouvait soigner la douleur. Mais depuis, qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. plus tard. Et je comprends pas. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard. Et je comprends pas. Aujourd'hui, en grattant un ticket, je me vois millionnaire. Je me dis, tout ira mieux si je souris à la banquière. Aujourd'hui, je me dis que si j'attends, quelqu'un fera ma vaisselle. Et que même si je vieillis, mes parents sont immortels. Qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. Qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. On disait, tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Plus tard, on disait, plus tard. Chose sur Énergie, 20h-23h. On est là tous les soirs, les amis. C'est votre rendez-vous. Et Quentin tente de retrouver sa femme. 2012 à 2015 ensemble. Elle est partie parce qu'il avait embrassé une nana. Et elle a refait sa vie. Aujourd'hui, elle est séparée de son chéri. Ouais. Et Quentin a fait un AVC. Du coup, il veut la retrouver puisqu'il s'est rendu compte que c'était la femme de sa vie. Quentin, c'est parti. J'appelle Alexandra. Tu connais la règle. C'est elle qui décide si oui ou non elle souhaite rentrer en contact avec toi. Ok? Ouais, bien okay, sûr. Ok, Quentin. Oui. Oh là là. Allez, courage. Plein de courage, tu peux tout entendre. Vraiment, on est tous avec toi, tout le monde est avec toi. Ok, Quentin ? Merci, ouais, merci. Allez, mon poulet, c'est parti. J'appelle Alexandra, son ex-compagne, qui vient de se séparer en plus de. Ouais, j'angoisse là. De son chéri avec qui elle avait reconstruit sa vie. Ouais. Alexandra ? Oui ? Bonsoir, je m'appelle Aymeric Bonnery, t'es en direct dans le Rico Show sur Énergie. Je sais que tu t'attendais un petit peu à notre appel, puisque oui. Voilà, la radio avait besoin de te parler. Et oui. Bon. Oui, on m'a dit ça hier, c'était un peu compliqué hier, mais voilà, bah, ouais. Je suis dispo. Alors, Alexandra, si on t'appelle, c'est parce que ton nom de famille nous intéresse. Non, je rigole. Je rigole. Non, il n'y a pas de tirage au sort, il n'y a rien. C'est pas par rapport à un nom, c'est pas par rapport à un âge, c'est pas par rapport à une date de naissance. Non. Peu importe ce qu'on t'a raconté, c'est faux. Si on t'appelle, Alexandra, c'est parce que tu manques à quelqu'un. Et quelqu'un a souhaité trouver la force avec l'émission, puisqu'il nous écoute tous les soirs, de te reparler. Est-ce que tu sais à qui tu pourrais manquer, Alexandra? Bah j'ai une idée, ouais, mais c'est un truc de fou s'il vous a appris pour qu'on en discute. Enfin, ouais. J'espère me tromper parce que pff, je m'attendais vraiment tellement pas à ce genre de plan que. Pff. Ouais. D'accord. Tu penses à quoi, toi, Alexandra? Tu me dis que quelqu'un avec qui je manque, je pense à mon ex avec qui ça s'est pas très très bien terminé, mais je sais pas si c'est. Ouais. Bon, Alexandra, je vais te dire, on va pas faire de suspense, c'est lui. Ah. C'est lui, en fait. Quentin, il est dingue de toi. Il a appris que voilà, aujourd'hui, t'étais de nouveau célibataire. Voilà. Donc aujourd'hui, que tu n'étais pas en couple. Et c'est pour ça que lui, il a eu l'idée de te contacter, de te parler. Ouais. Sinon, il l'aurait pas fait. Il t'aurait laissé, tu vois, il t'aurait laissé vivre ton histoire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, je vois, mais je m'attendais tellement pas à ça. Non, je m'attendais pas du tout à ce qui. T'es comment déjà, toi, par rapport à Quentin? T'es fermé? T'es comment? C'est quoi? Franchement, j'étais tellement déçue. Je sais pas si vous a tout raconté, mais. Si, il nous a expliqué que ça avait dérapé, qu'un bisou avait créé une séparation, quoi. Ouais, j'ai été hyper trahi. T'as jamais trop cru que c'était un bisou, toi? Ouais, c'est ça. Bah, il a commencé à me raconter ça, mais après, je sais pas exactement ce qui s'est passé pour de vrai. J'ai mis un peu au pied du mur quand il m'a raconté tout ça, donc je sais pas trop. Il m'a raconté ça, mais je lui ai fait plus confiance, quoi. Enfin, je lui ai plus fait confiance de toute façon de ce moment-là, et ça a cassé quelque chose, et c'était terminé. Donc, pour moi, la page, elle est tournée, quoi. Pour toi, c'est... Je ne me suis jamais vraiment reposé la question parce qu'à partir du moment où c'est terminé, Et je passe à autre chose. Pourtant, on sent que c'est. Je vois, là, c'est. Bon. Moi, si je t'appelle, en fait, Alex, c'est parce que. Quentin, il est là, là, avec vous ? Ouais, en fait, il entend tout et c'est toi qui vas décider si oui ou non tu souhaites rentrer en contact avec lui. C'est un peu la règle, on veut pas te forcer, c'est vraiment toi qui va choisir. Mais comme je te sens complètement fermé, avant que tu me dises un non définitif, Alexandra, moi, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, Quentin, il a eu un vrai souci de santé. Voilà, il a eu un problème, c'est qu'il a eu un AVC en fait. Alors, c'est sans séquelles. Ouais, j'avais entendu parler d'un entendu parler qu'il avait un souci de santé. Ah ouais, d'accord. Tu le savais en commun. D'accord. Je savais qu'il avait des problèmes de santé il y a pas très longtemps. Ah ouais. Il a frôlé la mort quand même là, c'est sérieux, c'est pas qu'un petit problème de santé. Ah ouais, donc en plus t'étais au courant du DOS. Ah ouais, ça s'annonce encore plus chaud que prévu. OK. En fait, je t'explique, le truc c'est que lui il a échappé à la mort clairement et il se rend compte que sa vie veut la faire avec toi. Ouais. Il a eu un choc de dingue. Je pense qu'il faut que tu essaies de te rendre compte. C'est que là, lui, il a changé de sphère, quoi. C'est un autre Quentin, quoi. Là, tu vois. Puis c'était il y a bientôt 5 ans, là. Tu vois, c'est 4 ans même. Ça fait bien 4 ans. Voilà, c'est. Tu vois. Ouais, tu veux pas me laisser juste 5 minutes là que souffler. Écoute, on va te laisser souffler tranquillement sur ça. C'est violent, quoi. Ok, Alex, je te laisse réfléchir. À tout de suite, Alex. Ça s'annonce mal, surtout qu'elle savait qu'il a eu l'AVC, elle a pas cherché à le contacter. On l'a mis de côté là. Je peux vous dire là, ça sent chaud là. C'est chaud. Je vais aller au bout du bout. Je vais demander une réponse. On va la laisser souffler 5 minutes. Mais ça sent ça sent la colle là. Ouais. Moi, je pense qu'elle est dans leur meeting là, tu sais, le truc de drague là. Ouais, ouais. Et je pense qu'elle regarde un peu tout. J'ai ce déjà qui oublié passe. Ce que c'était. Bah, tu sais, la meuf qui regarde tout ce qui se passe sur les réseaux. Ouais, ouais, réseaux, mais qui veut rien quoi. Ouais, mais bon, elle fait un peu de mal quoi. Elle est quand même au courant des doses. Ouais, elle est au courant des doses. C'est vrai, t'as raison. C'est vrai qu'elle est au courant des doses. Elle est au courant qu'il s'est fait opérer. T'as raison, Sylvain. C'est pour ça, bon. Bon, il y a quand même peut-être une ouverture. Petite chance. Mais il va ramer. Hein. Oh ça, c'est une relation. Si tu la récupères derrière, mon frère, t'es. Il est cuit. T'es assez pire. Il y a Jean-Marc le pervers qui arrive. Et puis, on laisse Alex le temps de la zic, là, qu'elle souffle. Et puis, elle va nous dire oui ou non. On va pas faire souffrir mon Quentin. J'espère qu'il va pas me faire une. Tu vois. Non, arrête. Non, mais voilà. AMMS sur Énergie. On est là jusqu'à 23h. Et puis, Alex, Sandra nous donnera son oui ou son non. Il faut pas attendre le copain. Say everything's gonna be alright, everything's gonna be just fine. On est avec vous les amis jusqu'à 23h. On aura, je vous le dis, JM, notre pervers du soir. Et là, ça y est, Alexandra doit nous donner sa décision. 20h, 23h. Connectez-vous. Le Rico Show débarque. Oh là là, allez, on est avec vous les amis jusqu'à 23h. Je dis oh là là parce que beaucoup de pression là. Franchement, on sait pas si, si Alexandra va dire oui à Quentin ou pas. Elle est mise de côté pour l'instant, elle n'entend rien. Je vais prendre un peu la température du côté de Quentin. Quentin qui a entendu ce qu'a dit son ex. Ça va mon Quentin ? Ouais, ça va. Ah, c'est chaud, hein. C'est chaud. Ouais, c'est chaud, ouais. Ah, elle a l'air fermée. En plus, elle était au courant de ton petit accident. Elle t'a même pas envoyé une petite lettre ? Même pas une horreur. Non, j'avais pas de nouvelles, non, pas du tout. Ah ouais, c'est ça s'annonce chaud. Bon, on va voir si elle teste la petite porte ouverte. Derrière, on aura notre pervers du soir, on changera d'ambiance. Ah ouais. Je récupère Alexandra, mon Quentin, je te récupère après, j'espère, avec elle. Ok, ben, on y va. Alexandra, allez. On t'a laissé réfléchir, tu souhaitais avoir 5 petites minutes. Alexandra, dis-nous, est-ce que ce soir, tu souhaites, oui ou non, ouvrir la porte à Quentin, parce que je te sens fermé de dingue. Mais est-ce que tu souhaites pouvoir le revoir, faire cette démarche-là, de vous revoir et par contre, si tu souhaites le revoir, moi, ce que je te demande pour pas lui faire de faux espoirs, c'est pas le revoir pour savoir, voilà, t'es en côté, on se revoit. Oui. C'est vraiment, est-ce que tu souhaites le revoir pour éventuellement discuter de choses plus sérieuses. Je te demande pas de te mettre avec, mais pas de le revoir pour le revoir. C'est pour lui serrer la main, savoir comment il va. Vous envoyez 3 posts Facebook et puis faites ça. Voilà. Ce qu'il veut, Quentin, c'est essayer tranquillement de reconstruire quelque chose. Voilà. Alors je comprends que pour toi, c'est peut-être pas à l'heure du jour, mais ça voudrait dire que tu laisserais cette éventualité-là plausible. Est-ce que c'est bon pour toi, Alexandra? Ah, écoute, là, comme ça, je peux pas prendre de décision. Ça remet tellement de trucs, tu sais. Ça a été vraiment. On en a parlé plein de fois déjà. C'est remuer le couteau dans la plaie, franchement. Lui, il est sur un autre délire, tu vois. Mais c'est facile maintenant, 4 ans après, de dire il s'est passé plein de trucs, que ça m'a remis en question, etc. Moi aussi, j'ai vécu plein de trucs, pas traumatisant, mais voilà, j'ai avancé. Et là, je suis en colère quand même contre lui. D'avoir fait tout ça, enfin. On le ressent, Alexandra. Ouais, mais de m'avoir menti. Tu vois, Quentin, il est dans une souffrance. Je peux pas dire demain, je vais y aller, je vais aller le voir, et puis on va recommencer comme avant. Je peux pas te dire. Pas comme avant, une nouvelle histoire. Moi, ce que je dis. Non, mais je peux pas dire ça comme ça. Ce que je te demande, Alexandra, c'est Quentin, c'est un nouveau gars. Voilà, aujourd'hui, il a eu un pépin de santé. Il se rend compte que effectivement, il se rend compte vraiment que t'es la femme de sa vie. Lui, c'est clair. Moi, je doute pas de lui. Ouais. Moi, ce que je te demande juste, c'est de savoir est-ce que dans l'idée que c'est un nouveau Quentin, que c'est un mec voilà qui veut repartir, est-ce que toi, tu serais prête à le revoir pour éventuellement repenser à quelque chose tous les deux, ou est-ce que tu es fermé complet? C'est ce qui m'intéresse. Soit tu lui dis non ce soir et puis rideau, le gars il est venu ici là sur Énergie devant toute la France et t'as fait un kiff. Si au fond toi c'est pour savoir qu'il a fait des AVC, c'est pour espionner sa vie et puis t'interdire ça par ego, voilà, c'est con. Maintenant dis-moi, est-ce que toi vraiment au fond de toi, au fond de ton cœur, t'es prête à lui laisser une mini chance et de recréer quelque chose? C'est tout ce que je veux savoir. Si tu me dis non, c'est non. Si tu me dis oui, c'est oui. Ce que je peux faire, c'est en tout cas qu'on se revoie autour d'un café et puis qu'on discute. Voilà. Mais je peux pas m'engager comme tu me dis. Voilà, ça peut être peut-être que de l'amitié ou. Mais je peux pas te dire là comme ça. Ouais, je lui donne une chance et puis on va. Ouais. Ça c'est pas possible. Mais se revoir au moins déjà. Ça fait 4 ans que je l'ai pas vu. Au moins pour voir. Enfin, au moins pour qu'on reprenne ça. Okay. Je comprends. Je crois que c'est pas forcément le délire de Quentin. Non. On va pas fêter un retour qui n'en est pas un. J'ai l'impression que c'est un peu de la courtoisie aussi. Je sens pas prête à faire le pas. Ouais. Je vais te laisser les coordonnées de Quentin et puis si tu veux le retrouver, tu le retrouveras. Ok, Alex? Ouais, on va pas faire semblant. Non, c'est le café de l'amitié, j'ai l'impression ça. On va pas faire semblant. Alex, elle est pas prête encore. Elle va pas lui dire oui et Quentin, on va pas lui faire espérer. Non. Alex, je te fais plein de bisous, ok, Alex. Et puis c'est ton choix. T'as beaucoup souffert aussi. Tu sors d'une relation, d'une rupture. J'imagine que c'est compliqué. On t'embrasse, Alexandra. On te laisse les coordonnées de Quentin, d'accord? Je t'embrasse. Ouais, d'accord. T'embrasse. Bisous. Je suis déçue. En plus, elle va réfléchir encore. Ça va, mon Quentin? Ouais, ça va, ouais, c'est dur. Ah, mon Quentin. Oh non, Quentin. Frérot. Ouais, c'est chaud. Frérot, voilà, c'est dur. C'est dur parce qu'il est en train de passer à côté de sa vie amoureuse. Mais si au fond, c'est peut-être plus elle, hein, tu vois. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça, faut ouais, tourner la page, peut-être. C'est peut-être plus elle, mon frérot. Ouais. Allez. Ouais, je sais pas, ouais. Oh là là, c'est horrible, j'ai des frissons. C'est peut-être plus elle, mon Quentin. Mais oui, une autre t'attend quelque part. On t'aime. Ouais, t'inquiète ouais, pas. On t'aime, mon Quentin, bouge pas, raccroche pas. On oh va... là là. Ah c'est putain, un ça me fait. Cœur, ah, ça me fend le cœur. Elle est dure, elle, quand même. Elle est dure, ouais, mais attends, elle avait peut-être tout misé, c'est peut-être tapé l'affiche devant ses parents, elle a annulé un mariage et un couple. Quentin, c'est une histoire compliquée, les deux là. C'est compliqué. C'est clair. Ouais, mon Quentin d'amour. Allez, mon Quentin, tu sais quoi, je vais t'offrir un week-end. Tu vas partir en week-end. Et tu vas te détendre. Non mais je vous ferai un week-end, il va pouvoir prendre un pote, se vider la tête. Ah oui, pars pas avec elle, kiffer. Elle pas fait, malheureusement, tu vois. Non mais c'est vrai. Non mais c'est vrai. Ne propose pas elle. À part passer du bon temps avec un pote, change-toi les idées, poteau. Bouge pas, mon Quentin, bouge pas, on va te récupérer. Ah là là, il m'a crevé le cœur. Ouais, allez, on aura Jean-Marc, notre pervers, là, pour redonner le sourire à tout le monde, parce que lui est castré. Ouais. J'ai envie de lui crever les couilles. Je vais le démonter, je vais vous dire. À la vie, à l'amour, ouais, c'est ça, les Sopra, tiens, on est dans le thème. Ah, je suis. Aïe, aïe, aïe, mon Quentin. Putain, on a tout fait. Hein. Ouais, tout. Putain, ah, je suis vert. Hashtag Rico Show sur Energy, vous me dites ce que vous en pensez. Rico Energy, peut-être pas été bon aussi. Hein. Ah bah peut-être. Ça, non mais t'es contente toi, salope. Ma maman m'a dit la vie n'est pas facile, mais plus facile avec un grand sourire. Donc je souris quand j'ai mal à la vie, car ma maman m'a dit qu'il y a toujours plus maudit. Elle m'a dit donne ça, ça t'en remercie. Vis ta vie comme une jeunesse infinie. Tends toujours la main aux plus démunis. Avant d'être important, sois un homme utile. Elle m'a dit aussi qu'ici tout est fragile. Si tout s'écroule, tu reconstruis, c'est comme ça la vie. Oui, combien de douleurs indélébiles, combien au paradis. On vit avec cette mélancolie, c'est comme ça la vie. Maman m'a dit laï, laï, laï, laï, la la laï, laï, laï, laï, laï, la la laï, laï, laï, laï, laï, la la laï. Danse, danse, à la vie, à l'amour. Laï, laï, laï, laï, la la laï. D'où je venais, mais surtout qui j'étais. On avait peu, mais on savait donner. Elle m'a toujours dit, chez nous, l'accueil est inné. Sauf ce que tu es, te laisse pas colorier. Beaucoup sont morts pour cette liberté. Ne salis pas tout ce qu'on a sué, mais surtout ne te fais pas marcher sur les pieds. Ma maman m'a dit, le monde, il est fêlé. Change avec ton humanité, c'est comme ça la vie. Oui, offre le monde à ta moitié et à tes héritiers. Offre ta vie entière à les aimer, c'est comme ça la vie. Ma maman m'a dit, laï, laï, laï, laï. Danse, danse, à la vie, à l'amour. Maman donne meilleur conseil que la nuit, à la vie, à l'amour. Donc danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, à la vie, à l'amour. Danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, à la vie, à l'amour. Les amis, à la vie, à l'amour. C'est vrai que y a que l'amour là est déceptif. C'est vrai, on était comme des ouf, grâce déçus pour Quentin. C'est horrible, comme quoi une femme blessée cicatrise. Pas, il faut les chouchouter, nous dit Babouchka. Pof, Quentin, t'inquiète, Rico, ça va aller. Bon, moi, ce que j'ai proposé à Quentin, je lui ai dit, écoute, ce qu'on va faire, laisse-la digérer la nouvelle. Ouais. Et demain, pourquoi pas essayer de voir si vous pouvez vous reparler, quitte à ce qu'on organise un truc à l'antenne pour que vous voyez, pour que vous parliez, faire un truc sympa. Ou même s'ils veulent pas le faire à l'antenne, qu'ils nous tiennent au courant demain, bien sûr. Une possibilité d'évolution, si elle la contacte. contacté parce qu'elle a pris son numéro là. Elle a pris son numéro derrière, mais bon, voilà. Elle l'appellera pas. Moi, je voulais pas parce que voilà, il se retrouve pour se retrouver, c'est pas bon. Bah non, pas pour un café. Voilà, c'est pourri. Moi, je connais. Elle va arriver en ça, c'est de la curiosité un peu placée, genre snap. Le gars, il s'est mis plus bactère. Il a tout fait pour elle. Elle veut pas, elle veut pas. Voilà. J'ai pas envie de lui dire, écoute, elle va arriver, il va se faire un monde, il va choisir ses habits 3 jours avant. Il va arriver la chemise, mon frère collé, il va passer au coiffeur, au barbier, il va arriver, il va être rideau. Non, mais j'ai pas envie de lui infliger ça. En plus, il va raquer derrière le resto. Ouais. Elle a rien donné. Elle a pas donné un centimètre. Non, mais sans déconner. Mais bon, faut pas l'accabler non plus. Elle a beaucoup souffert, il l'a trahi. Non, mais y a pas de souci. Mais à un moment donné, je voulais pas l'envoyer au casse-pipe. Ouais, voilà. Non, mais sérieux. Ah ouais. Non, mais je pense que comme tu dis, c'est comme si t'as fait une grosse bouffe la veille. Faut digérer un petit peu. Peut-être qu'on aura des bonnes nouvelles, les amis. On vous tient au courant dès demain, de toute façon. Allez, on se fait Jean-Marc. Yes. Allez, Jean-Marc, je vais lui pulvériser les boules. Je me fais passer pour un travesti. Et la dernière fois, il m'avait dit quelque chose de très précis concernant son sachet. Raconte-moi un peu tout ce que t'as fait avec tes coucouilles. Ben, une fois, il y a une femme qui m'a ouvert le sac. Elle les avait sortis et elle avait recousu le sac après. C'était douloureux, mais c'était pas mal. Et elle t'a sorti les couilles, tu les as vues en vrai, c'est ça? Oui, elle avait mis une glace pour que je vois. On en était resté là, j'ai t'as les poils. J'en peux plus, mais tous les bras, les poils de partout, ils serraient ça. Allez, c'est parti les amis, je l'appelle, on appelle Jean-Marc. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Allô? Oui, Jean-Marc, ça va? Oui, ça va, bonsoir. Alors, comment vont tes boules? Ça va. Ça va, tu sais, on va se les faire ce week-end, je pense. Hein. Ce week-end? Qu'est-ce que ça te fait de vivre tes derniers jours sans tes baloches? Bah, c'est bien. T'es content? Ouais. Comment tu veux qu'on les cuisine, tes baloches? La façon que tu veux. Je me dis qu'on pourrait faire des œufs au plat. Bah, ouais. Ce seraient des vrais œufs. Raconte-moi un petit peu, rappelle-moi, est-ce que t'es prêt, c'est bon, t'as tout le kit pour qu'on puisse faire l'ablation? Moi j'ai les élastiques et la pince, voilà, pour mettre avant et après il suffit de couper. D'accord, avec quoi on va couper tes testicules? Avec ce que tu veux, un couteau, je sais pas, ce que t'as envie. Ouais, et on fait ça à vif, hein? Bah oui. D'accord, est-ce que tu veux qu'on l'endorme un petit peu avant quand même? C'est comme tu veux, ouais. Ouais, moi je préfère y aller à vif, quoi. Ça te dit? Qu'est-ce que tu veux que je choisisse comme couteau, là? Je t'offrirai ton couteau. Je sais pas. celui que tu veux. Qu'est-ce que tu veux qu'on se fasse ça? Plutôt du couteau de boucher? Tu veux quoi? Plutôt un couteau de boucher, oui. Ça coûte bien. Comment tu veux qu'on fasse? Tu veux vraiment qu'on fasse la scie ou vraiment que je mette sur une planche de bois et que je tape de haut en bas? Ah non, tu coupes, tu prends le paquet et tu le coupes. Mais comment je le coupe? Comment? C'est-à-dire je scie ou vraiment je tape Scier, un mouvement de haut en bas, voilà. Ah, oui, d'accord, à l'horizontale, quoi. Je scie les boules. Voilà, comme ça, elles se retrouvent dans tes mains. D'accord. Avec le paquet. Oh, mais j'ai peur que ça pisse le sang, ça, Jean-Marc. Bah, normalement, non, pas avec l'élastique. Tu penses que l'élastique, ça va arriver? Je pense, oui. D'accord. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on en mange une cuite, de tes boules, et puis qu'il y en ait une qu'on la mange peut-être crue tout de suite, tu vois, à vif. Oui. Se faire des petits rognons après dans la foulée. Mais ce serait peut-être sympa que tu manges tout de suite ta couille. Comme tu veux. Un petit couscous boulette. Voilà. Et tu penses qu'on pourra faire l'amour tout de suite après l'ablation? Je sais pas. Ça, je sais pas si tout de suite après on peut. D'accord, il va pas falloir que je me loupe, hein. Ouais. Ça te fait pas peur à l'idée que je puisse me louper? Te louper, comment ça? Bah, tu sais, t'es bien sûr de ton coup, quoi. Hein. T'es sûr, tous tes artifices, tes pinces et tout. Y aura pas de pépins derrière, parce que j'ai envie de toi, mon Jean-Marc. Hein. Oui, mais normalement, non. D'après ce que j'ai vu, non, il n'y a pas de souci. Hein. D'accord. Bon, d'accord. Ok, impeccable. Bon, je te rappelle demain, je te dirai un petit peu ce que j'ai prévu au niveau des couteaux. Ok, d'accord. Parce que j'aimerais bien me prendre tes petites boules et puis me les rentrer, tu sais, en mode boule de geisha, quoi. Hein? Voilà. On va s'amuser avec tes boules, mon Jean-Marc. Allez. À demain. Bisous, Jean-Marc. Bisous. Oh, est-ce que ça existe vraiment, ce genre de mec? Je sais pas, mais il est terrible. Mais il existe ce tuto là Il a regardé le mec, hein. Il sait comment se castrer, c'est énorme. On se met taki-taki les amis. Et puis ajoutez-moi bien sur Snap R-I-C-O NRJ. Et puis vous venez au standard, vous allez devoir deviner l'âge d'Olivier. J'ai jusqu'à 4 cadeaux à vous filer. Vous venez 0870 42 48. AirPod, enceinte, il y a tout, restez bien. Tout le monde va pouvoir jouer, c'est énorme.

Alors, je suis plutôt boîte de nuit. Plutôt boîte de nuit, très bien, Sylvain. T'es plutôt charentaise ou claquette chaussette? Claquette chaussette. Claquette chaussette, d'accord. La charentaise, t'as envie de dire tout sauf charentaise, quoi. Il est fou, ces mecs, JM. C'est quoi ton film préféré? Ah. Bodyguard. Bodyguard. Ah, ah ouais, d'accord. Bah, ah ouais. Ouais. JM Bodyguard, ça t'évoque? Bien sûr, Whitney Houston, tout ça, tout ça. Ouais, très bien, ouais, très bien. Sorti en quelle année à peu près, vous pensez, les amis? 90. Ouais, à peu près. À peu près, 80, d'accord. Ouais. D'accord, donc soit il a revu ses classiques, soit il est de cette génération-là, ou quand c'est sorti, il a kiffé, mais bon, tout le monde l'a vu. Ça veut rien dire, c'est mon film préféré aussi. Oui, hein. Oui, mais il a pu revoir ses classiques s'il a 10, 12, 13, 14, 15, 16 ans, 20 ans. Après, peut-être que t'as des goûts de vieille, Sarah. Non, c'est un bon film, Bodyguard. Bon, c'est un bon film. Les amis, je vous donne un premier indicateur, mais avant, vous allez me dire l'âge de notre ami au standard, Sarah. 38 ans. 38 ans pour Sarah. Sylvain. 60. D'accord, Sylvain, 60. Très bien. JM. 51, comme le pastis. Et il a voulu te piquer, je crois, monsieur X, quand il a dit ça. Non, d'accord, très bien. Les amis, vous venez. 0870 42 48, vous pouvez nous dire aussi. Et inscrivez-vous sur Snap. Si vous avez le bon âge, je prendrai une personne de Snap et une personne du standard. Donc sur Snap, je lis tout. Ouais. R-I-C-O-N-R-J. Ok, attention, les amis, il est né dans cette décennie. Donc il y a à peu près 10 ans, soit en plus, soit en moins, par rapport à cette. On réduit le champ de 20 ans. Ok, les amis, vous allez être sur une vingtaine. C'est pas mal déjà de réduire sur une vingtaine. Là, il y en a un qui m'a dit 38, il y en a un qui m'a dit 60. Ok, on réduit. Allez. C'est parti. L'année, dans la décennie de sa naissance, il y a eu ça. Oh là là. Ah ouais. AC/DC. Genre, si c'est sorti, je vous dis une connerie, en 2001, ce qui n'est pas le cas de ce titre, ça voudrait dire qu'il serait né entre 2000 et 2010. D'accord. Donc, ce serait dans la décennie. C'est sorti quand, ça, à ton avis, Sylvain? Faire maths sup, par contre. Attends, parce que là, je suis en train de calculer. Ouais, c'est plutôt quoi? 90, 80? Non, ça, c'est 80, 60. Ouais. 60. Ah, si, 80, ça. Ça, c'est 80 pour toi? C'est mon époque, à peu près. D'accord, d'accord. Donc, c'est sorti entre 80 et 90 pour toi. Sauf que je dis pas ma décennie, pareil. JM. Ouais, pareil, je vais rester sur mes 51. Je sais pas. Donc, toi, t'es plutôt sur 51. Sylvain, tu restes sur 60? Bah ou non, tu baisses un peu? Non, je baisse, du coup, je dirais 30 ans. 30 ans. 30 ans. 30 ans, mais n'importe quoi, toi. Bah, décennie. Mais tu dis 80 et tu dis 30 ans. Ouais, je comprends rien là-dessus, décennie, je sais pas quoi là. Eh ben, par exemple, si le titre est sorti en 81, ça veut dire qu'il est né entre 80 et 90. S'il est sorti en 73, entre 70 et 80. À vous de voir. Eh ben, 70, donc je dirais 40 ans. Ouais, 40 ans. Allez, on vous prend, les amis. 0870 42 48, ça se réduit, ça. On est sur quoi? Moi, je reste 38, je suis sûr de 38, moi. Ah, ça y est, on est autour du 40 là. Ouais. Vous êtes tous là-dessus, à part JM qui est 51. Ouais. Allez, les amis, je vous le dis, vous êtes pas, ça se rapproche. Vous êtes pas mal. 0870 42 48, R-I-C-O-N-R-J. Vous m'ajoutez, vous me dites, vous m'envoyez un petit message. Allez, c'est maintenant la décision Marshmello. Lately, I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. When the morning comes and we see what we've become, in the cold light of day we're a flame in the wind, not the fire that we begun. Every argument, every word we can't take back, 'cause with all that has happened, I think that we both know the way that the story ends. Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile. I'm left there with my thoughts, and the image of you being with someone else, well, it's eating me up inside. But we ran our course, we pretended we're okay. Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck we made. Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirit, smile. No, that means I'll have to leave. No, that means I'll have to leave. Leave. thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. Even though I might not like this, I think that you'll be happier, I want you to be happier. Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. On est là jusqu'à 23h derrière c'est Mickaël. Vous devez trouver l'âge de Monsieur X qui s'appelle Olivier. Tiens, ça peut vous aider. N'est-ce pas Olivier? Tout à fait, je m'appelle Alors, Olivier. Il bosse pas chez Carglass? Ah non. Par contre Olivier, je vous le dis, il est né, il est pas né, mais ça, Highway to Hell, c'était en 79 les amis. Highway to Hell. Bravo Sylvain. Ouais. Et merci. Donc par définition, il serait né eh bien, entre 70 et 80. Bah, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, donc je reste sur 40, moi. Moi, je reste sur 40. Bah, d'accord, bah, c'est bien. S'il est né en 80, 40. Bah, c'est ça, non? Ouais. Ouais. Non, 78, 80. 40, 78. Non, mais on est à côté 78. De nos pompes. Hein. Je n'en peux plus de vous. Je n'en peux plus de vous. Ça peut être 10 ans avant, 10 ans après. Vous savez, oui. C'est la décennie. Je n'en peux plus de ces décennies de merde. Les amis, il est temps de dire l'âge d'Olivier. Vincent, salut mon Vincent. Oui, bonsoir l'équipe. Salut, Vincent, salut. Tu penses qu'Olivier a quel âge? Bah moi je pense qu'il a 52 ans. Mauvaise réponse mon Vincent. T'es pas loin mais c'est pas ça. Je t'embrasse, c'est on te fait quand grave. Même un petit cadeau Vincent. T'inquiète pas, tu repars pas les mains vides. Bisous mon Vincent. C'est gentil, ciao. Merci, bonne soirée. Bisous. Bisous frérot. Y'a Céline aussi qui est là, ça va Céline? Salut, ça salut. Va salut. Salut ma Céline. Ma Céline, tu penses que Olivier a quel âge? Moi je disais 42. 42, ah c'est mauvais, je suis désolé. T'es pas loin mais t'es plus loin que Vincent. Je suis désolé. Ah ouais. Okay. Et du coup, Morgan avait dit pareil, mon Morgan. C'est ça aussi, Morgan. Morgan, il s'est planté ouais, aussi. Aïe, aïe, aïe, aïe, Morgan. Morgan, du coup, tu repars avec Céline. Vous repartez tous les deux. Bisous, mon Morgan, je t'embrasse. Bisous, Céline. Bisous. Ciao, ciao, merci de nous écouter. On vous aime très fort. Tiens, on a Tiffaine qui est là. Ça va, Tiffaine? Oui, bonsoir toute l'équipe. Salut, salut, Tiffaine. Tiffaine, ne dis pas ton âge. J'appelle D'accord. aussi sur Snap. Allô, qui est là? C'est Mounir. Salut, ça va Mounir? Ça va mon Mounir? Mounir qui a laissé l'âge sur Snap. Mounir, quel âge as-tu laissé? Le premier âge que tu m'as donné, c'est ça que je compte. Hein, parce que sur Snap, il y a tout. 48. 48, très bien. Pas mal. Tiffaine, tu m'as dit quoi? J'avais dit 48 aussi. Eh bien, les amis, vous allez tous les deux repartir avec un cadeau parce qu'Olivier a 48 ans! Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Ah, ça fait plaisir. Bravo à toi ma Tiffaine. Cool. Tu vas choisir. Merci. J'ai des enceintes, j'ai des box, j'ai tout, j'ai des AirPods, tu choisis. Ouais. OK ma Tiffaine. Oui, c'est trop gentil. Merci à toute l'équipe. Vous mettez le feu tous les soirs, c'est trop sympa, c'est cool après le boulot, je vous entends, c'est magnifique. Ah non, t'aimes fort. Merci Tiffaine de nous écouter, on t'aime. Raccroche pas pour le cadeau hein, fais pas la con là, c'est pas l'air. C'est pas l'air. Bisous ma Tiffaine, je t'embrasse. Et Mounir, bravo mon Mounir. Bravo. Ouais, merci à vous. Et merci hein, merci Mounir parce que Mounir voilà, il est là aussi sur Snap et vous le savez, moi quand je rentre chez moi, je suis sur Snap avec vous et je vous le dis, il va y avoir des inscriptions. Dès demain, vous pouvez vous inscrire. Je vais vous expliquer. Ajoutez-moi sur Snap, R-I-C-O, NRJ, pour faire plein de jeux ensemble. Et puis, vous le savez, j'ai pas mal de choses à vous dire parce que je m'ennuie le soir. Voilà, vous le savez. Ah vous bon savez. Vous dire, je te dis à tout à l'heure sur Snap. À tout à l'heure. Et raccroche pas, vous dire. Merci. Franchement, je change rien. L'équipe au top. Hein. On t'aime, Mounir. On t'aime, frérot. J'ai juste une question pour Sylvain. Franchement, ça vous dérange pas. Vas-y. Avec tous les Tinder de la peur qu'il a fait, là. Combien de numéros il a gardé pour C'est vrai, est-ce que finalement tu arrives à détourner les Tinder de la peur pour en faire des Tinder sûr, du cunner? Bah, écoute, faut, Bah, il faut bien arrondir. Celle de hier, par exemple. Parce que j'ai vu que celle de hier, c'est la première fois que ça fait ça. Celle de hier, j'ai vu que ça textotait après derrière. Elle était vénère ou elle voulait. Non, bah après, je m'excuse. Voilà, je mets de la crème, je mets la pouliche. Je masse. Enfin, voilà. Ouais, total, quoi. Il fait du 2 en 1, Mounir. Il est grave. Donc, forcément. D'abord, il fait peur, après, il saisit. Voilà, exactement. Bon, on t'embrasse, Mounir. Merci d'être à l'écoute du Réco Show. Je t'embrasse. Et puis, j'oublie pas Anne-Sophie. Et Mathéo, là, on va vous faire un petit cadeau, ok, Mathéo, Anne-Sophie? Ah ouais. Vous étiez à côté, moi, on va vous faire un cadeau, ok, Mathéo? Ah ouais, merci beaucoup. Ah, je vous kiffe, hein, grave, tous les soirs. On te kiffe, frérot, merci d'être là, ok. Bisous. On va te faire un petit cadeau. Bisous, mon Mathéo, bisous. Bisous, Anso aussi, on va te faire un petit cadeau, raccroche bisous, pas. Bisous, merci, parfait. Bisous, ma poulette. Et bisous, ma Céline aussi, je t'embrasse. Bisous. Bisous. Ciao. Bisous, ma poulette. Ravi de vous avoir comme ça, de vous sortir près de nous, c'est cool. Demain, il y aura Feder qui sera avec nous, les amis, on va kiffer avec lui. Je vous rappelle que lundi on aura Amir. Ouais. Je voudrais que ça dure longtemps. ricochopublic@gmail.com. Ouais, ok, c'est, ça, c'est pareil pour Kenji. Les deux seront en public. ricochopublic@gmail.com. Merci les amis d'être là. Demain on va se faire des kiffs. Il y aura le retour de Sarah Bagouille. Vous allez voir. Il y aura aussi Malik qui va squatter les soirées. Bref, que du kiff sur Énergie. Et n'oubliez pas, l'important dans la vie, c'est de faire ce qu'on aime. Vous êtes très fort. RICO Énergie sur Snap, je vous attends. Et c'est Mickaël. Comment ça va, ça va, il est en forme? Bah oui, ça va, très bien, tranquillement. Écoute, j'en ai bonne. Bah, écoute, pas mal, hein, pas mal. Je peux te poser une question, Mickaël, j'ai une question que je te pose là. Tu penses que ça va péter ou pas ce week-end? Aïe. Ben j'en sais rien, je sais pas parce que tu vois que l'État fait un geste, mais forcément c'est pas assez, etc. Ouais. Je sais pas. Ouais, ils l'ont fait un peu tard parce que je pense qu'il y a beaucoup de mecs qui avaient quand même pris les billets pour le. Ouais. C'est surtout les casseurs, ils se sont dit putain, et Roger, on a déjà pris les billets alors. Je pose la question à tout le monde, je dis est-ce que vous croyez que ça va péter? Il y en a qui me disent oui, il y en a qui me disent non. Tu penses, ouais, franchement, ouais. Ouais, je sais pas, écoute, je suis pas convaincu. On verra bien. Hein. Ouais. Sylvain va aller faire le ménage là, non? Ah oui. Tu fais un peu de sécu là-bas. que l'ordre soit là. Hein. Que l'ordre règne. Non, il va prendre des bourre-pifs. Ah ouais. Putain, il va prendre des châtaignes. Il va venir. Non, on verra. En tout cas, j'espère que ce soit un petit peu plus calme. Quoi. Ouais, on espère, bien sûr. Bien sûr. Écoute, on pète pas tout quoi. Donc, écoute, s'il pouvait péter la gueule à JM. Il est con, ça, je dis rien. Bon, ouais, gratuit, c'était pour le gratuit. Ouais, gratuit. Bien sûr que c'est gratuit, je vais pas te faire payer pour des bonnes vannes. Non, mais tu pourrais gratuit, faire des bonnes vannes au moins alors. C'est mon métier. C'est vrai, c'est vrai. C'est mon métier. Bon, bah, kiffez. Bon, allez, bonne soirée, les amis. Bisous. Salut à vous. Ciao, ciao. On écoute Dajou pour commencer, tiens, histoire de se mettre bien. 01 40 71 5000. Vous nous appelez, vous passez en direct. Plein de choses à faire ce soir, évidemment, on vous en parlera. Et puis, Facebook, Twitter et Instagram, on lit vos messages avec le hashtag MIKL. Allez, Dajou, on arrive après sur Énergie. C'est pas à quoi tu t'attendais. Avec moi, y'a pas d'histoire de c'est juste un ami. Ah, à qui tu veux faire avaler. Que ton corps ne dérange pas tes soi-disant amis. Mais t'inquiète pas, je ne doute pas de nous. Ensemble, on est stylé. C'est pas une question de fidélité. Le problème ne vient pas de nous. Les hommes, je les connais. J'ai moi-même été de l'autre côté. Oui, j'ai fait du mal à je ne sais combien de femmes. Et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Je te dis que j'ai fait du sale à je ne sais combien de femmes. Et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Ma chérie, tu es jolie. Avec un corps impoli, les hommes sont sans pitié, interdit de les approcher. Avec le temps tu embellis, t'es mieux que ça balotelli. M'en veux pas de me méfier, homme femme y'a pas d'amitié. Si je t'aime je suis jaloux, quand j'aime je suis jaloux. Ta main veut dire que tu m'appartiens. Mon bébé, tu es le mien. T'es la femme de quelqu'un. Ce qui brille sur ta main veut dire que tu m'appartiens. Yeah. J'ai toujours pas à quoi tu t'attendais. Les hommes n'ont pas grandi dans la logique de devenir juste des amis. Je sais toujours pas à quoi tu t'attendais. Enlève-moi tout de suite toutes ces bêtises de ton esprit. Sois pas naïf, non, méfie-toi de tout. De tout et de tout le monde. En commençant par le sexe opposé. Si je te dis méfie-toi de tout. De tout et de tout le monde.